Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Salut. Et je suis aussi avec Exerve. Bonjour. Alors messieurs, avant de commencer cette émission, j'aimerais nous souhaiter un joyeux anniversaire, puisque ça y est, l'émission a fêté ses 2 ans il y a quelques jours, hein, c'était le 29 novembre 2018, date désormais légendaire du lancement de cette émission. Voilà, 2 ans, c'est à la fois beaucoup, parce que nous on est tout le temps la tête dans le guidon en fait avec Fin du Game, donc on a l'impression qu'on est là depuis super longtemps, mais c'est aussi pas énorme hein, pour un podcast, donc voilà. Moi, je suis personnellement très content de ces 2 années passées avec vous, et puis passées aussi avec celles et ceux qui nous écoutent et qui sont de plus en plus nombreux et nombreuses. Donc voilà, très content. Un bel anniversaire qu'on va fêter, qu'on va essayer d'ailleurs de fêter, même peut-être à la fin de cette année, puisque on vous prépare des choses, on peut le dire. Qu'est-ce qu'on prépare ? Alors, ben, y a plusieurs choses. On a donc enfin dépassé le fameux palier Fin du Game, on en avait parlé il y a quelques temps, donc on s'est dit à l'époque, c'était quand, souvenez-vous, il y a plus d'un an quand on avait lancé le Patreon, on avait mis un palier random en mode bah, on fera autre chose mais on sait pas quoi. En fait on s'attendait pas à ce qu'on se rapproche aussi vite de cette limite là, donc on s'est dit qu'on allait en mettre un nouveau après le palier Fin du Game, et pour coller un peu plus peut-être avec l'idée du Patreon et du côté soutien, on est en train de réfléchir à une idée peut-être un peu plus interactive. L'idée, ça serait peut-être de vous faire participer d'une manière ou d'une autre. Alors on aura l'occasion de vous en reparler, parce qu'on est encore en train d'y réfléchir, mais voilà, vous n'allez pas pouvoir décider de l'intégralité des épisodes à venir, c'est pas comme ça qu'on va vouloir faire les choses, mais peut-être que vous aurez un petit pouvoir de décision de Exactement. Temps en temps. Vous aussi, peut-être que vous influerez très très très indirectement le cosmos. Le cours des événements. Oui, on ne peut pas vous donner un tel pouvoir, hein, évidemment. Ah. Nous-mêmes, voilà, on a eu quand même plus de 15 ans d'entraînement sous une cascade pour maîtriser tout ça. Donc, voilà, mais on vous donnera peut-être un petit pouvoir qui vous donnera une petite responsabilité, comme disait mon club. Voilà, histoire de créer quelque chose qui soit fun pour fêter ça. Et puis, la deuxième chose, on en parlait, c'est peut-être un épisode bonus qu'on va essayer de faire d'ici la fin d'année. Alors, on n'a pas envie de s'engager tout de suite sur une date, parce que les conditions sanitaires, un des membres de l'équipe qui est en plein déménagement actuellement, voilà, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est moi, et je c'est précise. Et ce n'est pas moi. C'est exceptionnel, parce que oui. Moi, j'en suis à 19, donc pour une fois, c'est pas moi qui déménage. Ça, c'est le lore de Fin du Game, voilà, les 19 déménagements de Benoît. Mais voilà, on aimerait bien vous faire quelque chose pour la fin d'année, ce serait un épisode évidemment différent, peut-être, je sais pas, un bilan, revenir un petit peu sur les jeux qui nous ont marqués. Bref, on vous prépare quelque chose de sympa, et évidemment, ce sera totalement gratuit, hein, vraiment un bonus qui se rajouterait comme ça aux épisodes traditionnels. Ça ne bougera pas le calendrier prévu par nos soins, donc voilà. On va essayer de fêter ça, c'est notre façon de vous remercier aussi de votre soutien et de votre fidélité, voilà, depuis ces 2 ans. Évidemment, le Patreon, ça vous avez compris, c'est en fond, vous avez compris le lore du Patreon, je vais pas en rajouter une couche. On remercie Sœur d'édition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que, qui nous sponsorise, qui nous aide voilà, à faire cette émission, on les remercie, on les embrasse. Et les petites news, qu'est-ce qu'on m'a dit de dire ? On m'a dit de dire quoi ? On m'a dit de dire, bah déjà, il y a plein de livres sur Terre d'édition que vous pouvez découvrir, mais là, ça va être annoncé, c'est pas encore annoncé au moment où on enregistre l'émission, mais normalement, ça devrait l'être quand elle sort. C'est un bouquin sur les carnets de Jordan Mechner. Jordan Mechner, qui est le créateur de Prince of Persia, le premier, celui sorti en 1980. Et oui, ça ne nous rajeunit pas. Dites-vous que mon père passait son bac à ce moment-là. C'est si loin. Vous donc étiez voilà, né, vous, jeu. Ou pas ? Bah non. Merde. Parce que tu sais, moi j'ai joué à plus ou moins à la sortie. Ah, mais qu'est-ce que t'avais 4 ans, mon gars ? Qu'est-ce bah que ouais, bah moi je suis tombé dans le jeu ah, vidéo. Ah, mais l'autre, en fait, il est sorti du ventre maternel et bim, on lui a branché bah, écoute, une manette. Un jour, voilà, je prends un engagement solennel aujourd'hui dans cet épisode. Je vais demander à ma mère de ressortir les photos de moi qui joue à l'Amstrad en 86-87 quand j'ai 1 an ou 2 ans pour vous prouver que, comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Donnez au Patreon pour avoir les photos exclusives d'Exerve en train de jouer. Mais voilà, pour revenir sur le bouquin, donc les carnets qui sont écrits par le créateur lui-même, hein, Jordan Mechner. Et c'est vrai que j'ai appris que, enfin moi c'est pas un jeu auquel j'ai joué, mais vraiment c'est quand même un monument dans le jeu vidéo, à la fois pour ses animations, il était très en avance sur son temps, sur les animations du personnage. C'est un des premiers jeux aussi qui utilisait une barre de vie. Ça paraît absolument con comme ça de le dire aujourd'hui, mais voilà, à cette époque-là, des codes aussi ancrés dans notre culture n'étaient, voilà, ils étaient vraiment à leur balbutiement. Donc voilà, ça va être intéressant si vous avez envie de, bah, d'en apprendre plus sur l'histoire du jeu vidéo et de celui-ci en particulier. C'est un livre à suivre. Le protocole est terminé. Nous, aujourd'hui, on va pas parler de Prince of Persia. On va parler de Control. Maxime va nous choisir... Est-ce qu'il y a vraiment un choix de musique à faire sur ce jeu? Je pense plutôt que la musique va s'imposer d'elle-même. Bah, le comité musical a quand même transmis des instructions plutôt claires, plutôt simples aussi. Donc voilà, on va respecter les instructions du comité. On vous passe ça dans vos petites oreilles. Attention, ne mettez peut-être pas le volume trop fort non plus. Mais je vais rester poli. On se retrouve juste après. C'est sorti le 27 août 2019 sur PC, Xbox, PS4. C'est évidemment ressorti sur les nouvelles consoles, puisque ça y est, hein, nous entrons dans la nouvelle génération. C'est même sorti sur Switch, je crois. Avec la version cloud. Qui doit tourner magnifiquement bien, j'imagine. qu'on n'a pas testé, mais qu'on déconseille, je pense, d'une manière générale. Par avance, par prudence. En fait, c'est que c'est compliqué, parce que tu te dis, c'est un truc qui joue en docké, sinon t'as 25 minutes d'autonomie, quoi. J'ose pas imaginer la quantité de ressources que ça prend. Et puis, on pourra peut-être en reparler, mais déjà sur PS4, ça tournait pas de ouf, donc sur Switch, ça doit pas être la folie, ouais. Effectivement. Alors, Control, c'est un jeu qui a été développé par Remedy, qui est un studio finlandais, dans la petite ville d'Espoo, je ne sais pas comment on prononce ça. L'occasion peut-être de revenir un peu sur la ludographie de ce studio, qui est là depuis quand même un bon moment. Ouais, Remedy, ça fait partie vraiment de ces grands noms en fait du jeu vidéo qu'on peut-être pas forcément, tu vois, une aura aussi grande que les Ubisoft ou je sais pas Rockstar ou quoi, mais en fait ils ont plus ou moins toujours été là puisque ça fait un bail. On les connaît évidemment pour Max Payne, qui est un jeu qui est sorti en 2001, mais qui avait été en préparation depuis pas mal d'années, qui a beaucoup fait pour faire du TPS un genre assez populaire. Alors c'est vrai que ça, c'était pas encore la formule Gears of War, il n'y avait pas de cover ni quoi, mais par contre il y avait ce fameux bullet time. Alors on en a pas mal parlé dans la préparation, parce que du coup en plus moi j'étais en train de lire un bouquin sur Matrix en ce moment, mais c'est vrai que c'était l'époque vraiment Matrix, bullet time, enfin vraiment il y avait quelque chose qui, les étoiles s'alignaient plutôt pas mal. Un truc qui est assez rigolo dans les anecdotes autour du studio Remedy, c'est que donc Sam Lake, qui est un des fondateurs et le créatif directeur du jeu, c'était le visage de Max Payne, parce qu'il a une tête assez caractéristique, vous l'imaginez. Le doubleur de Max Payne, par contre, c'était une autre personne qui est également dans Control. Enfin, vous verrez, il y a des liens qui se font dans tous les sens. Bref, vraiment, Max Payne, ça leur a permis de se définir. Pourquoi ? Parce que c'était un jeu extrêmement orienté action, qui en plus de ça tapait dans beaucoup d'autres arts, puisqu'il y avait du comics, il y avait du cinéma, c'est un jeu qui se déroule un peu comme un polar, comme un film noir, il y avait des passages de BD, de comics qui apparaissaient en plein milieu. C'est resté en fait un peu dans leur ADN hein, tout du long, puisque leur autre jeu qui a été très connu, c'était Alan Wake. Donc ça c'était une exclu 360, Max y a joué il n'y a pas longtemps d'ailleurs, puisqu'il s'est dit j'avais envie de connaître un peu plus... Le travail de Remedy, puis bah, je vais te laisser parler de Alan Wake peut-être un instant. Je m'étais penché parce que j'avais fait les DLC de Control récemment. Je me suis dit Alan Wake, c'est quand même un jeu qui a beaucoup d'affection hein, de pas mal de joueurs. Quand tu vois Sam Lake qui est interviewé aussi par les Américains, t'as l'impression que c'est un jeu qui est très culte. Alors c'est peut-être en partie parce que c'était une exclu 360 et que d'ailleurs la Xbox là-bas elle est quand même très très présente. Il y a peut-être un truc creuser là-bas. Mais voilà, Alan Wake, c'est sympa, en termes d'ambiance, c'est très réussi, en vrai, on voit quand même que ça reste un jeu qui sort un petit peu du lot, il est très référencé, alors Twin Peaks et David Lynch d'une manière un peu plus globale, ça s'ouvre sur une citation de Stephen King, c'est une ambiance très horrifique et tout, bon après, ça reste un jeu voilà, de 2010, très compartimenté, avec d'un côté l'histoire, d'un côté le gameplay, où on va allumer des ennemis avec une lampe torche avant de pouvoir leur tirer dessus. J'avais discuté avec une personne sur le Discord, on était d'accord que après y avoir joué 2h30, bon concrètement t'as quand même fait le tour des boucles qu'il y avait à faire et que suivre l'histoire sur YouTube, et ben c'est pas mal aussi. C'est un jeu qui est sorti à l'époque où Uncharted est en train d'exploser, Gears of War aussi, et donc en fait on a déjà vu une autre approche des jeux d'action à la troisième personne avec une autre gestion du rythme, et c'est vrai qu'Alan Wake qui était plus dans un délire transmédia, puisqu'il y avait un livre qui était sorti donc en même temps que Alan Wake. Le jeu lui-même était pensé comme étant une suite d'épisodes de séries télé, puisque au bout d'un moment, il y avait genre fin de l'épisode, nouvel épisode précédemment dans Alan Wake. Donc voilà, il y a toujours eu ce côté un petit peu, je vais pas dire avant-gardiste parce que c'est pas le terme, mais en tout cas, le côté transmédia, c'est un truc qu'ils ont toujours eu, qu'ils ont gardé d'ailleurs, puisque leur jeu suivant, c'est Quantum Break, donc a été aussi une exclue Xbox, mais c'était la fameuse époque TV de Microsoft. Le lancement raté de la Xbox One qui avait vraiment une orientation très justement télévision, et Quantum Break en fait c'était pensé dès le départ comme un projet transmédia avec une série télé d'un côté, le jeu vidéo de l'autre. On le sait, ça n'a pas trop fonctionné hein. Souvenez-vous la série Halo qu'on a jamais vu. Tout ça c'était effectivement une période, et en fonction des actions que tu avais dans le jeu, la série empruntait pas les mêmes embranchements narratifs, donc tu avais vraiment ce côté transmédia. Ça a été compliqué quand même pour Remedy, parce que justement la partie série avait été faite par des studios de Microsoft, donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vraiment les pleins pouvoirs créatifs sur le côté transmédia. Et du coup, forcément, je pense que voilà, déjà, ça a mis quand même pas mal de ça a créé des problèmes vraiment créatifs pour que le jeu fonctionne bien et faire ce qu'ils avaient envie d'en faire. Forcément, quand un constructeur a envie d'imposer un peu sa ligne éditoriale qui s'oriente vers un chemin qui est, à mon sens, jamais toujours une bonne idée. Hein. Oh, on va faire des séries, des machins, on va mélanger jeux vidéo. Bon, jusqu'ici, c'est vrai que c'est toujours assez compliqué quand même de faire du transmédia. Il y a eu, j'arrive pas là à chaud à trouver de bons exemples de choses qui ont Il y en a un qui est vraiment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce petit dessin animé qui s'appelle Pokémon. Oui, bon. Mais voilà. Par contre, c'est vrai que les exemples à la Pokémon, ils se comptent sur les doigts d'une main, quoi. Tu vois, Mais tout ce qui est en Kama, ils ont fait pas mal, mais avec Dofus et tout, t'as quand même eu un film et tout. Mais c'est vrai que cross-média ou transmédia, alors je sais qu'il y a une subtilité, j'ai oublié vraiment laquelle, mais c'est un peu un buzzword de 2010-2015. C'était un truc qui était beaucoup tenté, beaucoup fait, parce qu'il y avait peut-être ce côté aussi internet, le streaming qui se démocratise, les smartphone, enfin il y a ce côté, t'as plein de médias à ta disposition, mais oui, c'est pas un truc qui a été vachement démocratisé finalement. Et donc après cette espèce de semi-échec de Quantum Break, Remedy va retrouver une nouvelle fois, pas son indépendance, mais va se retrouver seul, puisque Max Payne, c'était publié par Rockstar, donc c'était Rockstar qui avait aussi financé le deuxième, et qui possédait même la licence, puisque c'est Rockstar qui a fait en interne le troisième épisode, Remedy n'a rien à voir avec cet épisode-là. Et du coup, l'histoire avec Microsoft, entre Alan Wake, qui a eu un truc assez culte autour de lui, mais même commercial, commercialement à sa sortie, ça n'a jamais été, ça n'a pas été un foudre de guerre. Quantum Break non plus, donc ils se retrouvent un petit peu tout seuls, et cette fois bah, c'est 505 Games qui va pouvoir leur permettre de publier et de travailler sur Control, avec aussi la sécurité quand même de l'exclu temporaire financé par Epic, qu'on mis quand même un gros billet je crois dans l'équation, puisqu'on avait cherché hein, le budget de Control, ça tournait autour des 30 millions, et je crois que ce qu'ils avaient reçu d'Epic, hein, c'était sorti, je crois que c'était 9, 11 millions, c'était quelque chose comme ouais, ça. Il me semblait que c'était à peu près un tiers hein, du budget total qui avait été fourni par Epic, donc ça vous permet aussi, vous qui nous écoutez, de vous donner une petite idée de ce que ça peut représenter une exclue temporaire chez Epic. On aura l'occasion d'en reparler, puisque c'est peut-être plus en fin d'épisode, puisqu'aujourd'hui, ils ont un partenariat vraiment exclusif avec Epic, Remedy et d'autres studios qui est ultra avantageux pour eux. On y reviendra plus tard. 30 millions, il faut vous dire que c'est vraiment le ticket d'entrée le plus bas possible pour un jeu qu'on appelle aujourd'hui triple A. Même, je pense que d'ici quelques années, on considérera même plus que 30 millions, c'est suffisant pour commencer à parler de triple A. Donc pour vous donner une idée aussi d'échelle en termes de budget, c'est à la fois beaucoup et en même temps très peu, surtout quand on voit le résultat de Control. Avec 30 millions, ça montre qu'ils ont quand même vraiment bien géré pas mal de choses. Et en fait, Control, c'est vraiment une autre, pour parler un petit peu des objectifs comme ça, quand ils ont voulu se lancer dans cette aventure-là, ils se sont dit, on a fait plusieurs licences différentes, elles ont quand même des petits points communs. On va imaginer un jeu qui va servir d'introduction, de point d'entrée, vers ce qu'ils appellent aujourd'hui le Remedy. Alors attendez, parce que j'ai le terme exact. Ils appellent ça le Remedy Connected Universe, hein, donc c'est le RCU, rien à voir avec le Marvel Cinematic Universe ou je ne sais pas quoi, mais c'est en tout cas l'idée, voilà, de créer un univers étendu et donc de faire avec Control un jeu qui va permettre d'introduire tout cet univers-là et par la suite d'aller dans plein de directions. Et donc en fait, ils ont à la fois pensé le jeu pour raconter l'histoire de Jesse, mais également présenter un univers assez différent, enfin peut-être pas différent, mais qui permet d'englober toutes les idées qu'il pourrait avoir derrière. Ouais, tout à fait. Donc en gros, vraiment, avec Control, il y avait trois objectifs, j'ai l'impression. Le premier, c'est se montrer en tant vraiment que vitrine technologique, hein, vraiment, bon, bah, le ray tracing, hein, c'est la technologie qui arrive, là, c'est vraiment la promesse de cette prochaine génération. Eux, ils étaient vraiment déjà dessus, et voilà, le jeu, si vous voulez le faire tourner correctement, faut avoir une machine de l'enfer, hein, on en a parlé avec la Switch, la PS4, ça a été compliqué de le faire tourner pour ces raisons-là, donc il y avait cette envie, déjà, de montrer les muscles, hein, vraiment, au niveau technologique. Et puis, deux choses, faire vraiment revenir à leur premiers amours, donc faire un TPS qui soit très efficace, faire un jeu d'action qui fonctionne vraiment, et aussi capitaliser sur leur savoir-faire en termes de storytelling et de world building, hein, c'est-à-dire vraiment de création de monde avec ses règles, sa cohérence. Alors sa cohérence dans Control, c'est un grand mot, je pense, mais voilà. Ouais, justement, l'idée du world building, c'est assez intéressant parce qu'ils ont pris pas mal de risques. Alors, ça paraît rigolo de dire ça parce que c'est aujourd'hui beaucoup dans les tendances des jeux vidéo, des environnements un peu plus ouverts, des jeux un peu plus qui lorgnent vers du RPG. Mais il faut savoir que Remedy, ils ont toujours fait des jeux très linéaires, et avec Control, ils ont clairement assumé vouloir s'inspirer de jeux plus récents. Alors, notamment Dark Souls, à la surprise générale, c'est aussi une de leurs inspirations. Ça leur a permis tout simplement de se décomplexer sur le côté mise en place de l'univers. C'est un jeu qui va pouvoir lâcher les joueurs et les joueuses beaucoup plus facilement, qui va mettre un environnement plus ouvert, plus connecté, qu'on va pouvoir revisiter. Donc ils se sont vraiment autorisés pas mal de nouveautés à ce niveau-là. Cette idée de plus de liberté, pour eux, c'était une des grandes idées du jeu, et également l'idée de conserver malgré tout le transmédia, parce que c'est vraiment un truc qui leur tient à cœur, hein, ouais, je pense, sur Remedy. Ils ont cette espèce de culture de plein d'autres médias, justement, hein, je veux dire, dès Max Payne, je le disais, il y avait du comics, il y avait du film, enfin, il y avait des envies de faire des choses. Ils se sont rendus compte qu'avec Quantum Break, séparer le côté film live action du jeu vidéo, c'était peut-être pas si malin. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des tonnes de scènes tournées, pas avec des vrais acteurs et des vraies actrices, dans le jeu directement. Ils les ont intégrées, et ça donne tous les petits films assez tordants avec le docteur Darling, qui au passage était la voix de Alan Wake. Bref, voilà, encore une fois, on peut faire plein de parallèles comme ça entre leurs différents jeux, parce que c'est assez rigolo. Oui, et puis oser aussi faire du contenu optionnel, hein, pour revenir un petit peu à Dark Souls, cette idée de dire, bon, bah, ok, avant on faisait des trucs très très linéaires, là on va laisser plus de liberté, et on va essayer de faire confiance aux joueurs, aux joueuses, comme le fait Dark Souls, pour, disons, être un peu plus maître de sa progression, et de faire ses propres choix, où je veux aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire à ce moment-là, et comment je vais m'approprier le monde. Tu veux dire qu'ils auront le contrôle de leur expérience. C'est peut-être possible, et c'est ce que... Oh là là, on va pouvoir en faire plein pendant cet épisode. Ah, ouais, ouais, ouais. Contrôle, tu peux. Hein. C'est pas le premier jeu de mots qu'on va entendre. Ouais. En tout cas, le jeu sort. Alors, il y a juste encore une petite anecdote, parce que ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai regardé les différents Dave Diary. Donc, ils ont fait travailler Courtney Hope, qui est l'actrice qui incarne donc littéralement Jesse Faden, parce que c'est à la fois son visage et sa voix. Ils l'ont modélisé directement via tout un système de motion capture. Et il y a des séquences filmées aussi dans le jeu, hein, il me semble. Hein, des moments où on la voit, où là, elle n'est pas modélisée, c'est la Courtney Hope vrai qui a été filmée. Donc voilà, il y a des mix comme ça entre les différents médias. Elle était déjà là dans Quantum Break, et en regardant sa page IMDB, en fait, Courtney Hope est très connue parce que depuis des années, elle joue dans Amour, Gloire et Beauté et Les Feux de l'Amour. Et je me suis dit, je trouve ça très rigolo parce que tu vois, d'habitude, tu te dis, ah oui, alors c'est des acteurs de séries ultra connues, tu vois, HBO, trucs comme ça. Et là, c'est du soap opéra. Et manifestement, c'est ce qu'elle fait depuis très longtemps, mais ça s'est quand même bien passé. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus connu que Amour, Gloire et Beauté? Je ne crois pas. Non, qu'est-ce qui est plus gros que ça? Rien. C'est le blockbuster ultime de la série, Amour, Gloire et Beauté. Je vais enfin pouvoir convaincre ma mère que c'est de l'art. En tout cas, voilà. Elle, assez rapidement, ils se sont rendus compte que c'était elle qui voulait pour incarner Jessie, et elle s'est éclatée dans ce rôle-là, donc ça a bien fonctionné. Le jeu sort donc fin août 2019. C'est vrai que ça faisait pas mal de temps qu'il était devenu un petit peu le fer de lance du ray tracing de Nvidia. Le souci, c'est que les cartes graphiques qui permettaient de faire cette techno coûtaient encore assez cher, les 2070 et 2080. Donc peu de gens finalement en ont profité à ce moment-là. Les consoles de l'ancienne génération n'étaient pas en mesure de le faire tourner. Donc bon. Ce qui fait que à la réception, c'est un peu mitigé malgré tout. Hein. Tu vois, sur PC, on a un 85, ça c'est plutôt cool. Mais tu sens tout de suite, dès que tu passes sur console, qu'on descend à 80, 82, parce que justement, il y avait pas mal de soucis. Et c'est un jeu qui, en fait, ne s'est pas si bien vendu que ça. Nous, on avait regardé, il parle de 1 million de ventes, ce qui, au regard, tu vois, du coût du jeu et des ambitions, etc., finalement, nous paraît très peu. Bon, on s'attendait à plus, c'est clair, hein, puisque on va revenir. Mais déjà, nous, c'est un jeu qu'on a tous bien aimé, que ce soit la solidité du gameplay, la production value et toute l'approche artistique, l'ambiance, etc. La réception critique est quand même bonne, hein, même s'il y a un peu moins sur console à cause des perfs techniques, c'est quand même une bonne réception. Mais c'est vrai qu'on s'attendait à plus. Typiquement, c'est le genre de jeu, tu te dis, s'il s'est vendu à 2-3 millions en un ou deux mois, et que là, au bout de un ou deux ans, enfin, je veux dire, si là tu m'avais dit il a dépassé les 5 millions, oui, je te dirais oui, normal quoi. Parce qu'il a eu, comme tu dis, un retour critique très positif et surtout énormément d'awards. Hein. On a regardé la liste de toutes les récompenses que le jeu a eues, à la fois au VGA, au DICE Game Awards, enfin bref, tous les usual suspects. Il a vraiment reçu beaucoup de choses. Mais ouais, des ventes qui sont... C'est vraiment typiquement le jeu qui plaît beaucoup à la critique. Et en fait, au niveau vraiment commercial, populaire, je dirais pas que c'est un bide, mais pas loin en fait, hein, parce que 1 million c'est pas énorme, hein, vraiment, c'est pas souvent dans Fin du Game qu'on parle de jeux qui sont moins que million sellers, hein, même Hellblade, le précédent dont on a parlé, il les avait atteints, enfin, c'est pas souvent quand même, à part pour des petits jeux indés, là on a quand même un gros budget, hein, c'est 30 millions, donc là des infos qu'on a pu trouver, parce qu'ils ont pas vraiment communiqué de chiffres, pour l'instant, ils sont encore en train de recouper leurs frais, leurs coûts. Ouais. C'est sûr que s'ils n'avaient pas eu tout l'investissement initial de Epic, de 505, 505, ils auraient probablement une situation un peu plus complexe aujourd'hui. Malgré tout, je pense qu'ils se sont fait un bon karma justement auprès des gens, parce qu'il y a eu cette réception, et ils comptent beaucoup sur le côté bouche à oreille et sur le côté longue traîne. Et je pense très sincèrement qu'ils comptent surtout sur les éditions qu'ils appellent Ultimate, qui est ressortie sur les nouvelles consoles, qui en fait, comme là maintenant la série X, la série S et la PlayStation 5 sont capables d'afficher du ray tracing, a priori les versions de contrôle dessus tournent bien, et donc les gens vont pouvoir enfin, entre guillemets, en profiter avec le rendu visuel qu'ils imaginaient. Et puis si vous nous écoutez mais que vous connaissez pas le jeu ou que vous l'avez fait que sur les anciennes consoles, si vous avez l'occasion de voir à quoi ça ressemble, moi c'est le premier jeu que j'ai découvert avec le ray tracing, et vraiment ça apporte quand même beaucoup, étant donné qu'ils ont pensé le jeu dès le début pour l'exploiter. C'est pas juste des reflets dans la flotte comme on a pu le voir, la blague du moment. Ça apporte vraiment beaucoup au rendu, aux lumières, etc., et ça rend vraiment très très bien quoi. Un jeu qui est sorti un peu trop tôt finalement, presque, par rapport en tout cas au matériel installé chez les consommateurs et consommatrices de jeux vidéo. Voilà, un jeu qui est arrivé un petit peu trop en avance, mais bon, voilà, c'est les calendriers, et voilà, peut-être qu'ils avaient envie de se projeter en avance, de déjà développer quelque chose qui pourra peut-être, sur lequel ils pourront peut-être capitaliser par la suite. Très bien, comme d'habitude, on va rentrer dans le jeu par son histoire. On va essayer de vous dérouler ça en deux temps. D'abord, l'histoire de l'univers de contrôle, ou plutôt en tout cas du bureau fédéral de contrôle, parce que ça fait, c'est déjà un gros morceau. Et puis ensuite, on reviendra sur l'histoire du jeu, qui chronologiquement, de toute façon, vient un peu après dans la grande frise que le jeu tente de tisser. Alors, l'histoire vraiment de contrôle, elle commence dans les années 50. Il y a une organisation gouvernementale clandestine qui se forme, qui s'appelle donc le Federal Bureau of Control, le Bureau fédéral du contrôle, et qui enquête sur des événements paranormaux, des événements paranormaux qui sont liés finalement au fait que d'autres dimensions viendraient entrer en résonance avec la nôtre, et ça se manifesterait par des événements un petit peu bizarres, et ça s'incarnerait surtout dans des objets, en fait, des objets du quotidien qui catalyseraient un petit peu cette résonance et qui viendraient foutre un peu le bordel dans les endroits dans lesquels on les trouve. Alors ça peut être une télé, ça peut être un frigo, ça peut être un petit cheval de manège, et c'est une référence au dîner de con, le petit cheval de manège, et plein d'autres objets. C'est une émission culturelle incroyable. Ah, j'adore le dîner de con, c'est un film qui fait toujours rire. C'est un film culte, mais c'est parce que c'est marrant de le citer comme ça. On tisse d'autres liens que, je pense, Remedy, ils n'avaient pas pensé. Ah, tu vois, mais nous, on trouve d'autres inspirations. Ouais. Donc, pour revenir à ces fameux objets de pouvoir, donc le bureau de contrôle va essayer justement de les contrôler. Donc, ils interviennent à différents endroits des États-Unis pour essayer de maintenir sous pression ces objets avant que la situation ne dégénère. Et pendant ce moment, ils vont aussi se trouver leur propre quartier général dans un des lieux des États-Unis qui catalysent justement le plus de pouvoir et qui serait vraiment lié à une autre dimension, qui est ce qu'ils appellent la Oldest House, qui est en fait un espèce d'immeuble qui est planté en plein milieu de New York, qui n'est même pas trouvable par le commun des mortels, puisqu'on ne peut le trouver que si on le cherche. Et en fait, c'est un espèce de grand immeuble qui est comme ça, qui est vraiment une place de pouvoir, hein, un lieu de pouvoir, comme ils l'appellent dans le jeu, parce que voilà, c'est le bordel à l'intérieur, les murs bougent, les dimensions ne sont pas respectées, c'est l'univers de contrôle. De l'extérieur, on le voit, en plus, ils en ont fait des buts d'artistes, où c'est vraiment juste un énorme bloc de béton posé en plein milieu de New York, et une fois que tu rentres à l'intérieur, c'est magique, c'est infiniment plus grand, et c'est relié directement avec d'autres plans, plan astral, autre dimension, etc. quoi. Exactement. Et donc, ce bureau, à partir de ce QG, comme je le dis, va enquêter sur différents événements paranormaux qui se trouvent... Eux, ils appellent ça pas des événements paranormaux, ils appellent ça des altered events, donc des événements altérés. Et ils vont notamment, au cours de toutes ces enquêtes, au cours de toutes ces récoltes d'objets de pouvoir, tomber sur l'incident de la ville d'Ordinary, dans laquelle il y a eu un gros bordel, parce que deux gamins, Jesse et Dylan, ont trouvé un objet de pouvoir, qui est un petit rétroprojecteur, qui pourrait ouvrir en fait des portails sur d'autres dimensions, avec les petites slides, hein, c'est un... Vous savez, les rétroprojecteurs comme ça, je sais pas, comment on appelle ça, juste un rétroprojecteur, ou comment on disait, le truc dans lequel... Je sais plus exactement, mais si jamais faut une rêve, c'est comme dans le carrousel, le Kodak, là, où fallait mettre les différentes... Ouais, voilà, c'est avec des petites diapositives, et chaque diapositive dans le projecteur, ouvrait sur une autre dimension, et forcément, ça s'est très très mal passé, parce qu'il y a des choses qui se sont passées sur la ville, et tout le monde a disparu, sauf les deux enfants, donc le bureau intervient, il récupère le projecteur, il récupère aussi un des deux gosses, Dylan, il le kidnappe, littéralement, parce que ils ont appris que les gens qui avaient été très exposés, justement, à cette altérité, aux autres dimensions, peuvent être aussi catalyseurs de pouvoir, et ils ont besoin de personnes comme ça en fait pour pouvoir tout simplement... Alors je crois que l'histoire, c'est pour remplacer éventuellement le directeur. C'est ça. Ouais, c'est ça en fait, c'est des candidats au rôle de directeur, puisque c'est on y reviendra un peu plus tard, mais c'est un personnage vraiment central de cette organisation, et ce n'est pas n'importe qui peut prendre ce truc-là, il faut être l'élu. Ils avaient déjà fait des expériences sur plusieurs patients, ils avaient tout raté jusque-là, il y a les fameux chiffres P1, P2, P3, ouais, etc. Et Dylan est le P6 et Jesse la P7. Mais elle, son cas est plus particulier. Oui, et Jessie, qu'il n'arrive pas à capturer, elle arrive à s'enfuir. Et du coup, ils vont récupérer ce projecteur. Alors, Jessie, elle arrive à s'enfuir et détruire toutes les diapositives, sauf une. Et en fait, du coup, au bureau, ils ramènent tout. Hein. Je crois qu'ils ont même ramené, je crois que la ville d'Ordinary, Ils ont ramené des morceaux complets de la ville. Voilà, il y a un moment dans le jeu où on voit un plan, et on voit aussi des baraques qu'ils ont ramenées. Ils ont fait une reconstruction miniature aussi. Ils ont refait différents trucs comme ça, ouais. Et en fait, avec ce projecteur, bah, ils vont explorer cette fameuse dimension, puisqu'il leur reste qu'une slide. Et dans cette dimension, ils vont découvrir une entité qui s'appelle Edron. Edron, qui a été nommé comme ça parce que la forme visible de cette entité semi-matérielle, alors elle forme d'un nédraèdre, c'est ça je crois, non ? Comment on dit en anglais, je sais plus. Une forme géométrique, voilà. Une forme géométrique, très bien, bref, avec plusieurs côtés. Je crois que ça ressemble au logo de la GameCube, donc voilà, je le salue. Et donc cette espèce d'entité, elle est pas vraiment malveillante, ils vont essayer de trouver, d'essayer de pouvoir catalyser son pouvoir, hein, parce que c'est quand même des Américains, il faut quand même exploiter les ressources qu'on trouve, mais malheureusement ça va aussi permettre à une autre entité de se glisser dans cette faille, une entité qui s'appelle le Hiss, qui est elle une entité beaucoup plus chaotique et beaucoup plus malveillante, qui va au passage corrompre en fait le directeur du bureau de contrôle, le directeur actuel à ce moment-là, qui s'appelle Trench, et qui va le faire devenir un peu paranoïaque vis-à-vis du Edron, vis-à-vis de la puissance de cet objet, et en fait, bah, ça va, le Hiss va manipuler le directeur pour qu'il ouvre complètement la brèche et libère le Hiss dans notre dimension, dans le bureau de contrôle, et ça va vraiment foutre le bordel, et c'est ça qu'on va découvrir en arrivant avec Jesse au contrôle. En fait, au moment où Jesse arrive, c'est quelques minutes avant que le directeur, donc Trench, décide de se suicider, parce qu'il prend conscience ultimement qu'il a foutu la merde, et donc en tant que directeur responsable, il décide d'assumer complètement son rôle et d'aider les gens en se barrant. et c'est comme ça en fait qu'elle se retrouve, elle, à trouver le fameux pistolet qui est en fait le symbole, l'objet de pouvoir qui symbolise le directeur. Le fait qu'elle arrive à le tenir et qu'elle arrive à du coup communiquer avec le plan astral et le fameux comité de direction du bureau, qui est également une autre entité d'une autre dimension qui file des trucs, c'est un peu compliqué. Elle devient instantanément la directrice. Alors en plus, via un effet de petite magie, d'un coup, hop, elle a des photos d'elle qui apparaissent un peu partout dans le bureau. Et elle se retrouve, ouais, c'est très stylé, ça. En fait, dans une position un peu paradoxale, puisqu'elle est venue, elle a enfin trouvé le bureau du fédéraux, enfin le QG du contrôle, pour chercher son frère. Et là, elle se retrouve à devenir la directrice de l'entité, enfin de l'agence gouvernementale qui a kidnappé et fait des expériences sur son frangin. Et ça, c'est le début du jeu. En fait, nous, oui, c'est ça. On ne connaît, oui, tout pas toute cette backstory qui a été citée. Nous, on commence le jeu au moment où Jesse arrive dans le bâtiment, nous explique un petit peu que la Odell South, comme vous l'avez dit, ne se trouve que quand on la cherche. Elle cherche son frère. Bon, voilà, on arrive. Le directeur se suicide. On devient directrice. Et c'est très déstabilisant, on comprend pas très bien ce qui se passe, elle non plus. Là, c'est le moment de encore plus semer la confusion chez les gens qui ont pas fait le jeu, parce que elle parle aussi à une autre entité qui s'appelle Polaris. C'est vrai qu'elle est accompagnée, elle est pas toute seule. Parce qu'elle arrive donc dans le bureau et elle parle à quelqu'un, on a l'impression qu'elle parle aux joueurs au début, on sait pas trop. Ouais, tout à fait, et ouais. Y a des espèces de clignements sur l'écran qui ont l'air de lui répondre, mais nous on n'entend rien. Et cette entité Polaris serait venue quand elle était petite en fait avec Dylan, c'est ça qui les aurait sauvés en fait, qui lui aurait dit comment sortir, retourner dans le monde réel, sortir du projecteur, etc. Et quand elle s'est enfuie, en fait, cette entité est restée avec elle. Et donc nous, on arrive, on a tout ça. Elle devient directrice, le directeur s'est suicidé, directeur de quoi, on sait pas très bien. C'est quoi le plan astral, c'est quoi le comité qui nous parle dans une langue bizarre, c'est qui Polaris. Il y a un concierge qui traîne et qui est partout, sur qui on tombe à chaque fois qu'on va sur un nouvel étage. Enfin bref, effectivement, c'est un jeu qui crée au début cette espèce de confusion et qui du coup va nous dérouler toute cette backstory qu'on apprendra au fur et à mesure en fait qu'on progresse. Mais du coup, bah, Jessie en tant que nouvelle directrice, elle a pas le choix, il faut qu'elle fasse le taf, et le taf, bah, c'est de libérer le bureau de cette présence malveillante qu'est le Hiss. Et surtout que le Hiss, bah, en fait, en s'infiltrant dans la Oldest House, bah, il a créé plusieurs problèmes. Déjà, ça a perturbé, on va dire, déjà le pouvoir de ce lieu, puisque tous les murs, hein, vont prendre cet aspect un peu stratifié, c'est-à-dire que les pièces qui avant étaient à peu près maintenues sous contrôle ressemblaient à des bureaux. Là, ça devient complètement le bordel, hein. Les murs sortent, les portes montent, enfin bref, c'est complètement déstructuré, donc il y a déjà ce problème-là. Et puis surtout, tous les objets il y a plein d'objets de pouvoir, donc des objets qui concentrent une grosse altérité en eux-mêmes et qui peuvent foutre le zbeul, bah ils se sont libérés, ils sont sortis de leur grand coffre fort dans lequel ils stockaient tous ces trucs-là, et forcément bah ça a créé encore plus de bazar au sein du bureau. Donc notre mission, c'est de régler tout ça, en gros. On dirait un peu Fantasia, mais dit comme ça. Oui, c'est voilà, vraiment c'est vraiment le gros bazar, et il y a plein de trucs paranormaux qui vont coexister ensemble à travers différentes entités qui s'expriment via des objets, enfin bref. C'est ouais, en fait l'idée, c'est ça, c'est pour ça, vous voyez, on le disait tout à l'heure, une de leurs intentions, c'était de créer une porte voyez vers tout cet univers. Donc c'est un jeu qui déborde d'informations et de deep lore. Il y a vraiment de quoi il y a à boire et à manger en termes d'infos. L'histoire strictement, on va dire, liée à Jesse, c'est de trouver des informations sur Dylan, savoir comment bloquer Loïs. Évidemment, les choses convergent et en réalité, Dylan devient une espèce de champion pour Loïs, de catalyseur de ce pouvoir-là. Loïs qui est opposé au Hédron, Polaris, on s'en rend compte, était en fait une partie qui s'était échappée du Hédron et qui avait fait Jesse sa championne. Le bien contre le mal, Luke Skywalker contre Dark Vador, à la fin... Donc Jesse gagne. Alors Dylan ne meurt pas, il tombe dans le coma. Elle arrive en fait à le libérer, de le séparer complètement du Hiss, mais il avait été probablement, ça faisait tellement longtemps qu'il était sous son emprise que ben forcément ça l'a mis un peu à mal. Ouais. Et à la toute fin du jeu, en fait, elle a donc libéré le pouvoir, elle a empêché le Hiss de continuer. Donc elle l'a renvoyé dans son monde et elle accepte finalement son rôle de directrice parce que ben, elle se dit c'est plutôt cool, c'est un bon travail, la sécurité de l'emploi, tout ça. Et surtout, elle devient le réceptacle justement du pouvoir du Hédron, puisque pendant cette espèce de grand affrontement final, la grande structure, hein, cette espèce de méga box comme ça qui enfermait cette entité, bah elle est détruite par le Hiss, et du coup bah c'est Jesse en fait qui la catalyse, c'est elle qui devient la source de pouvoir finalement de cette entité et de Polaris, et du coup bah c'est ça qui lui permet justement de maintenir maintenant le bureau correctement, enfin semi-ordonné, en tout cas, tel qu'il l'était jusqu'ici, quoi. Et donc, bah, l'histoire, en fait, ne s'arrête pas, puisque, bon, déjà, il y a des DLC qui sont sortis, on va pas forcément en parler plus que ça, enfin, on en parlera rapidement, peut-être, à un moment donné, mais, comme on le disait, vu que c'est juste l'idée d'introduire un univers, il y a une fin finalement assez ouverte, et on s'imagine qu'à partir du moment où ils ont installé comme ça tous ces éléments de lore qu'on désormais on peut connaître, et ben ils vont pouvoir s'amuser à imaginer des tonnes de choses et nous raconter d'autres trucs. Justement, l'un des deux DLC qui s'appelle AWE fait un lien avec Alan Wake, justement, donc voilà, on sait que par la suite on va avoir beaucoup d'autres choses qui vont nous arriver. Ouais. Une histoire qui est finalement assez convenue, hein. C'est vraiment l'élu qui va pouvoir sauver la... Non mais c'est vrai, oui, en fait, le fil rouge de l'histoire est assez convenu, et je pense qu'on était tous assez d'accord là-dessus, tous les trois en tout cas, que c'était pas quelque chose qui était hyper intéressant, voilà, cette espèce de combat entre la force du bien, force du mal, c'est pas vraiment la force du jeu, mais beaucoup plus justement toutes ces portes, comme tu dis, qu'ils ont ouvert sur à la fois des références culturelles, à la fois sur leur propre jeu, et sur tous ces univers, c'est vrai que c'est ça qui fascine, qui nous perd un petit peu tout au long du jeu, mais c'est ça aussi qui rend qui donne cette curiosité qu'on a quand on rentre dans ce bureau. C'est marrant, quand on prépare la fin du game et qu'il faut faire le moment histoire, c'est là qu'on voit ce qu'on a retenu concrètement, et c'est vrai qu'il y a des trucs. Ah, il est mort ou pas, Dylan, je sais plus, Hédron, qui se souvient de ça. Il y a pas un flamant rose à un moment donné, ouais, tu voilà. sais, là, le moment où t'es dans le jukebox, puis dans le frigo, et ça a donné des discussions assez, assez lunaires. Bah, c'est ça, en fait, on se souvient beaucoup plus de certains moments spécifiques liés aux objets de pouvoir sur lesquels on reviendra plus tard, mais c'est vrai que la trame vraiment scénaristique, détaillée, bon, on l'avait un petit peu oublié, parce que, voilà, on sait qu'à la fin, les gentils gagnent, et puis voilà, quoi, c'est ça qui est important. Mais avant de revenir tout justement sur ces détails, comme tu disais, qui nous ont fascinés, on va rentrer peut-être parce que peut-être le plus classique, on va dire, le dans le jeu, c'est son gameplay. On l'a dit, Remedy, ils avaient vraiment envie de revenir à un TPS solide, et c'est pas forcément évident de faire un TPS qui soit original en 2020. On a parlé de Gears of War, on a parlé d'Uncharted, c'est vrai que depuis, allez, 2005, le TPS, c'est vraiment devenu le genre roi sur console et même sur PC, hein, par extension avec le temps. Et c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident de trouver un TPS, de faire quelque chose d'original, mais Remedy, je pense qu'on a quand même vraiment réussi le défi, déjà parce qu'ils ont choisi de ne pas faire un cover shooter, c'est-à-dire que dans Control, il n'est pas question de se mettre à couvert derrière des petites briques qui font pile poil 90 cm pour que tu puisses t'accroupir derrière, c'est pas du tout un jeu qui est construit là-dessus, et puis il y a aussi quelque chose de très intelligent qu'ils ont fait, c'est d'utiliser donc cette fameuse arme de service, qui n'a pas de munitions. Enfin, elle en a, mais c'est pas des munitions qui sont limitées. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir récupérer, qu'on va devoir recharger. En fait, c'est quelque chose qui a un cooldown, tout simplement. Tu peux tirer un certain nombre de balles, et puis après, faut attendre que l'arme regagne, en fait, son chargeur se remplisse, en fait, tout simplement. Et ils vont aussi, nous faire utiliser les fameux pouvoirs de Jesse, puisque, dans Control, en fait, on va pouvoir se connecter tout au long du jeu à ces fameux objets de pouvoir. Donc, il y a le coffre-fort qui nous permettra de créer une espèce de mur de briques autour de nous pour nous protéger. Je crois qu'il y a la télé Benikov, je crois que c'est le truc qui permet de léviter. C'est ce qui permet de voler, ouais, tout à fait. Il va y avoir une disquette qui permet, du coup, de porter les objets et de les virer. Il y a le cheval de manège, c'est le petit cheval de manège qui est très important. Il y en a peut-être un ou deux autres là d'objets de pouvoir. Tout de suite, j'ai plus la liste. On sait qu'on a aussi le téléphone qui permet de communiquer avec le comité. Ouais, c'est ça. Il y a des objets qui correspondent vraiment à des ajouts, à des strates de gameplay supplémentaires qui vont enrichir vraiment les phases de combat. Et du coup, on se retrouve en fait avec deux choses qui ont un cooldown. Donc les munitions, je l'ai expliqué, mais aussi une jauge de mana, tout simplement d'endurance, de pouvoir. Et pour pouvoir vaincre le fameux Is, qui s'incarne via des espèces d'agents ou des créatures plus ou moins fantasmagoriques, qu'on va devoir les tuer tout simplement, et on va devoir jongler en fait entre ces deux ressources qui sont illimitées mais pas dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce cooldown. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à créer une dynamique vachement intéressante dans les combats, parce que déjà on ne peut pas se mettre à couvert, donc faut constamment être dans l'agressivité et dans le mouvement pour être dans les combats. Et surtout faut jongler entre une visée traditionnelle de TPS, c'est-à-dire arriver à bien viser les ennemis, et aussi ce truc de pouvoir aspirer des meubles, des lampadaires, des morceaux de mur et les balancer vraiment à la tronche des ennemis. Ouais, c'est vraiment super intéressant ce système de vase communicant, parce qu'il y a pas mal de jeux qui l'utilisent et ça donne toujours quelque chose de très dynamique, parce que comme tu le dis, il n'y a pas d'arrêt en fait. C'est-à-dire que quand tu peux pas utiliser l'un, ça tombe bien, l'autre comme par hasard, tu as récupéré tes munitions, mince, mes munitions sont vides, comme par hasard, ta jauge de mana, elle est rechargée, et donc ça donne un jeu qui est très dynamique et ça se retrouve dans le rythme, puisque comme tu l'as dit, les ennemis nous forcent à constamment nous déplacer et à constamment être agressifs. Je pense qu'un stop pour pas mal de gens, et je sais que Max t'en parlait, c'est un des premiers combats de boss contre Tomasi, qui est le chef du département des communications, si je dis pas de bêtises, dans le bureau. Il est bien placé dans la hiérarchie. Ouais, voilà, donc c'est un des cadres, on va dire. C'est un cadre. Il vole, c'est la première fois qu'on voit cet ennemi qui vole et qui nous envoie des trucs à la gueule. Et c'est vrai que moi-même, je me souviens très bien que j'avais un peu ce réflexe de me foutre à couvert et de tirer, tu sais, parce que c'est une espèce de logique qu'on nous a inculquée très rapidement, et à force de me dire en fait c'est pas ça comme ça qu'il faut faire, c'est faut lui envoyer plein de trucs dans la gueule et lui mettre tout ce que je peux en permanence. Quand tu joues très agressif, tu te rends compte que ça prend, c'est un combat qui prend que quelques secondes finalement, donc il y a cette espèce de logique qu'il faut apprendre assez vite dans le jeu, qui n'est pas celle du cover shooter, et ça le ça permet vraiment d'en faire un jeu qui est complètement différent. C'est-à-dire que oui, c'est un TPS, mais c'est très très différent de ce qu'on a l'habitude de faire depuis maintenant une quinzaine d'années. Et la gestion de la vie, elle est intéressante aussi, puisque contrairement à beaucoup de cover shooters, elle ne remonte pas automatiquement, il n'y a pas une armure qui remonte, il faut aller chercher la vie sur le corps des ennemis qui le laisse, et ça peut faire penser à Doom par exemple, où pareil, pour chercher de la vie ou des munitions, il faut faire les fameux glory kill ou servir de la tronçonneuse, il faut aller au contact, ou vite fait Bloodborne aussi, qui a sa petite mécanique de récupération de vie, si on s'est pris des coups, il faut retaper les ennemis. Donc c'est intéressant de voir qu'avec des petits tweaks comme ça sur la façon de récupérer sa vie, peut dicter aussi vraiment tout le gameplay. Ouais, c'est un bon retour, tu vois, à cette notion de 3C avec la caméra, les contrôles justement du personnage et le pouvoir qu'ils peuvent faire. Le fait de dire c'est un jeu qui est très agressif, forcément la mécanique de récupération de vie, elle suit cette logique là, parce que comme il faut monter au corps à corps, tu peux pas te permettre de sniper les ennemis de très loin. Et d'ailleurs le jeu, le level design va également de pair, parce que on croise très rarement des lieux où on va pouvoir sniper les ennemis à 450 mètres. En fait, très vite, on se retrouve au contact de ces ennemis-là. Dans un des deux DLC, ils ont même rajouté des ennemis qui nous attaquent au corps à corps avec des espèces de machettes ou de marteaux qui sont assez vraiment ultra désagréables, et donc ça nous force vraiment à constamment bouger. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, tu le dis, les arènes sont compactes, mais elles sont très verticales, parce que on a ce pouvoir justement de léviter, et du coup ça crée vraiment des niveaux. Alors en plus, on reviendra après sur l'architecture, qui crée vraiment des arènes qui sont assez plaisantes à naviguer au milieu, parce qu'il y a plein de formes géométriques géométriques comme ça qui nous guident. Mais ouais, ça crée un truc très spectaculaire, en fait. Les combats le sont énormément. Et puis, ils profitent quand même vraiment aussi de feedback qui sont ultra travaillés. Même moi, alors moi, j'ai joué sur PS4 Pro, donc j'avais pas le ray tracing et tout, tous les feux d'artifice, je n'avais pas ça. Mais je trouve que ça bougeait vraiment, vraiment bien. Il y a des effets de particules et des effets sur le his, cette espèce de, des petites nuées comme ça de particules qui virevoltent autour de chaque truc. Et puis le sound design aussi qui est incroyable. Quand on aspire comme un meuble vers soi, il y a un petit choup comme ça qui vient et puis on le relance comme ça et c'est hyper plaisant. Enfin, vraiment, juste attraper un objet et le balancer comme ça, ils ont réussi à trouver la justesse dans l'animation, dans la vitesse d'exécution pour que ce soit vraiment hyper satisfaisant et ça crée des combats qui sont vraiment des gros rushs d'adrénaline comme ça qui partent dans tous les sens. On vole, on se protège, on lance des trucs, on tire. Enfin, c'est très intense et je pense justement que ça peut rajouter une sensation de difficulté. Parce que voilà, il se passe beaucoup de choses à l'écran, faut gérer pas mal de choses en même temps, et je pense que voilà, pour reprendre des choses dans une certaine émission qui s'appelle Game Nexor, on parle de charge cognitive, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, et je pense que quand on est habitué à jouer à des cover shooters qui sont peut-être un peu plus plan-plan, ou peut-être un peu plus sur un gameplay qui est un peu plus lourd comme ça, je pense à Gears of War, bah forcément Control c'est un jeu qui peut te surcharger un petit peu et te surprendre justement par tout ce qu'il te demande de gérer en même temps. Et je reviens sur les finitions, mais vraiment moi la lévitation je la trouve vraiment super bien. C'est tout con hein, c'est une mécanique qui est hyper simple, mais je sais pas, la façon qu'elle a de décoller, de rester un peu dans les airs, mais de façon pas non plus hyper contrôlée, pour refaire encore un jeu de mots, mais hyper maîtrisée, on va dire, je sais pas, vraiment ils ont réussi en termes d'animation. D'accélération, tu sais, ouais. Au début, quand tu maintiens le bouton, elle accélère d'un coup, c'est très. Ça se fait de manière très progressive et t'as vraiment la sensation de quitter la gravité. Je sais pas comment ils arrivent à nous donner cette sensation-là, mais ça marche très bien. Les dashs, c'est pareil, t'as un petit bruit à chaque fois qu'elle fait un dash qui est très très cool. Et moi, comme j'ai regardé pas mal de petites vidéos de Dev Diary, parce qu'ils avaient, dès 2018, quand ils ont annoncé le jeu, ils avaient montré déjà des images de gameplay, parce que le jeu était déjà quand même bien avancé. Et on le voit dans les détails sur la façon dont la main de Jessie, elle va bouger, la caméra, elle va se placer, etc. On a vu qu'il y a eu, enfin, vraiment entre le jeu final et ce qu'il montrait un an avant sa sortie, il y a des milliards de petits tweaks, de petits détails sur la façon dont son arme va s'animer, la manière dont les objets, parce que l'arme, elle change de forme aussi, on l'a pas dit, mais on peut changer la forme pour que ça devienne un shotgun ou une arme un peu plus puissante, etc. Et vraiment, j'ai remarqué des tonnes de tout petits détails qui fait que dans les premiers trailers, t'es là, ouais, ça a l'air sympa. Et quand t'as la manette en main et que tu vois le jeu complet, tu te dis, ah oui, ils ont fait des gros progrès, ils ont vraiment léché cet aspect-là. Et comme c'est une de leurs forces, ils voulaient vraiment donner à ce jeu une identité de shooter très très cool, très très nerveux. Mais ils ont fait un truc qui est assez étrange. Tu parlais de difficulté et de charge cognitive. Il n'y a pas de mode de difficulté dans Control. Et encore aujourd'hui, il y a... Si, je crois qu'ils ont rajouté maintenant avec les dernières extensions. Le mode assist est arrivé. Ont rajouté un mode assist, mais c'était quelque chose qu'ils avaient beaucoup demandé, parce que c'est un jeu qui est assez exigeant. Il y a des séquences qui sont quand même assez difficiles, parce que tu te fais vraiment surcharger très rapidement d'ennemis. Et ils n'avaient pas de proposition d'un mode facile, difficile, comme c'est le cas dans quand même beaucoup de jeux aujourd'hui, quoi. Oui, c'est assez étonnant maintenant de voir un TPS qui n'a pas de mode de difficulté au début. Surtout que c'est pas non plus un jeu, n'est pas Dark Souls qui veut, entre guillemets, il n'y a pas tout un propos sur la difficulté ou quoi, hein, c'est assez accessoire, ce serait pas du tout choquant qu'il y ait un mode facile, normal, difficile, et encore d'autres plus faciles ou plus difficiles, non, pas du tout, et en plus de ça, on reviendra peut-être en détail avec le level design, mais c'est un système de checkpoint, donc quand on meurt, on retourne en plus, là on a sauvegardé avant, et ça peut être particulièrement chiant. Si tu galères sur un boss qui lui restait que 10% de vie, tu vois, c'est des combats que t'as pas forcément envie de refaire ou de refaire. C'est pas non plus un jeu qui maîtrise très bien tout ça, tout le combat, tu vois, tout le design des combats. C'est pas non plus un truc. Y a des moments où ouais, je suis mort, j'ai recommencé. Et, ça m'a un peu saoulé par rapport à d'autres jeux où là, ouais, je vais prendre mon pied, je vais prendre plaisir à analyser les patterns et à ce qui s'est passé. Non, Control, il a pas non plus ces qualités-là. Faut pas exagérer, quoi. Oui, c'est ça, le jeu ne réussit pas à faire ce que From Software fait, c'est-à-dire que, ok, j'ai pas tout à fait compris le pattern, je vais pouvoir analyser des choses supplémentaires et c'est ça qui va me faire gagner. Là, dans Control, c'est juste que ça s'est mal passé, il y a eu un peu cafouillage, il y a eu surcharge, ça allait trop vite. Et du coup, c'est vrai que quand tu meurs, c'est frustrant d'avoir à revenir parce que t'es pas dans une réflexion en disant, ok, c'est à cause de moi. T'as pas ce sentiment de dire, ok, c'est moi qui ai merdé, même si, bon, il y a quand même une manière de jouer, hein, qu'il faut balancer des trucs à la tronche des ennemis, c'est la base, hein, si tu veux aller loin, c'est quand même la bonne technique. mécanique, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté-là qu'on peut retrouver dans les productions From Software. Pour continuer d'ailleurs un petit peu sur les choses qui nous ont peut-être un peu plus dérangé, bon, c'est pas que c'est dérangeant, mais le jeu arrive à mettre plein de mécaniques qui sont assez originales, on l'a parlé, hein, ce dynamisme entre ce truc de vase communicant, comme tu disais Benoît, je trouve que c'est une bonne image, le truc aussi vraiment de voler tous les pouvoirs, mais par contre, il cède à côté de ça à plein de petits tropes de game design des années 2010 qui sont pas si intéressants et je trouve qu'ils n'apportent pas grand-chose justement à l'action. On a d'abord un arbre de compétences, alors il y a quelques petits pouvoirs qu'on va débloquer qui vont rajouter quand même une profondeur sur les combats, notamment le fait de pouvoir, une fois que tu t'envoles, t'sais, redescendre et mettre un gros coup de poing sur le sol comme ça pour pouvoir taper les trucs, ça marche bien. Prendre le contrôle des ennemis aussi, je crois que c'est à débloquer dans l'arbre des compétences. Oui, c'est vrai que c'est un des pouvoirs particuliers de pouvoir retourner un ennemi et l'utiliser pour soi pendant quelques instants. C'est un objet de pouvoir qui nous le donne, je me rappelle plus exactement lequel c'est, mais c'est pareil, il y a une petite quête, ça fait partie de ces trucs qui sont un peu annexes en fait, on peut finir le jeu sans forcément avoir tous les pouvoirs, il y a simplement les pouvoirs liés au déplacement qui sont importants, parce qu'on est plutôt dans une structure de Metroid, on en reparlera un peu plus tard. Et le truc qu'ils voulaient faire, justement, c'est ça qui est rigolo, c'est que dès les premiers Dave Diary, ils disent on veut donner comme ça un peu de liberté, customisation de l'expérience pour les joueurs, les joueuses, machin. Et donc, ça a donné ces fameux modules d'armes qu'on récupère par paquet de 100 et qu'au bout d'un moment, on est même obligé de détruire parce que notre inventaire, il en est rempli, qui finalement n'apporte peut-être pas grand-chose parce qu'on gagne de l'XP, on gagne des niveaux. Voilà, il y a de la monnaie, il y a de l'XP. Enfin, il n'y a pas une monnaie, mais c'est les noms de ressources que tu as, hein, les 1000 petits trucs de je ne sais quelle matière qui te permettent de créer. Ouais, il y a des objets de craft. Voilà, il y a tous ces systèmes un petit peu du RPG qu'on a beaucoup vu hein, dans les AAA des années 2010. Mais là, c'est vrai que sur un jeu TPS d'action qui a des mécaniques qui fonctionnent bien et qui pourrait avoir une progression typique que celle qu'on a par exemple dans Max Payne où il n'y avait pas toutes ces choses-là, tu vois, le gameplay se renouvelle juste avec les pouvoirs et les ennemis. Là, ils ont voulu rajouter quelque chose comme ça. Alors, encore une fois, ça marche bien parce que ça permet d'équilibrer un petit peu le jeu, hein, de pas te donner par exemple le pouvoir de lancer de meubles Ikea, tu peux augmenter de 25%, de 50%, de 75% pour que vraiment ça fasse de plus en plus de dégâts pour te dire, j'utilise plutôt ça, donc je vais renforcer ça, mais c'est pas excessivement intéressant, et voilà, ça, c'est des petites tropes comme ça de design, il y a des petites loot box, il y a même des petits coffres hein, dans le jeu que tu vas ouvrir, où t'as des petits trucs comme ça qui pop. En fait, toi, tu nous l'avais dit, Benoît, c'est quelque chose qu'ils avaient jamais fait, eux, avant. Du coup, ils étaient peut-être contents de pouvoir mettre ça en place, de dire, il y a plein de jeux qui le font, on va faire quelque chose comme on a l'habitude de le faire. Ou est-ce que c'est peut-être une volonté de l'éditeur autour? C'est possible aussi. Mais c'est vrai que ça n'apporte pas grand-chose au jeu. Et je trouve que ça dilue son efficacité sur les mécaniques pures. Bah surtout qu'il y a un des trucs, on en reparlera je pense juste après, parce qu'on va parler pas mal de The Oldest House, c'est que la conception des niveaux est faite pour qu'on puisse revisiter les lieux, donc ça c'est plutôt intéressant, et ils ont rajouté un système de quêtes ponctuelles, temporaires, où il va falloir libérer une zone qui d'un coup se retrouve à nouveau envahie par des agents du IS, et on va avoir une grosse notif jaune en plein milieu de l'écran qui nous dit, avec un gros bruit de genre, il faut aller à l'autre bout du monde où t'étais il y a 5 minutes pour aller sauver des gens. Ça te rapporte rien de spécial à part de l'expérience et éventuellement des objets de craft, mais t'en trouves déjà la pelle sans faire ça. Et c'est assez rigolo de noter qu'ils ont mis une option pour qu'on les désactive complètement, parce que je pense qu'ils se sont rendus compte eux-mêmes que c'était peut-être pas forcément une si bonne idée que ça, de nous parasiter notre progression disant « Reviens sur tes pas, s'il te plaît. » Parce que du coup, après, tu te fais rappeler tout le temps. T'es là « Oui, ok, je suis la directrice, mais... » Foutez-moi la grappe, enfin foutez-moi la paix 5 minutes, lâchez-moi la grappe et je vais sauver le monde quoi. Ouais, parce que autant il y a des quêtes annexes hein, qui sont plutôt intéressantes et qui sont bien dans le jeu. Là, c'est vraiment des quêtes donc tertiaires et enfin t'as l'impression que c'est une idée de jeu service quoi, de vraiment c'est des saisons, tu vois, t'as une fenêtre de 5 minutes pour faire telle tâche à tel moment. Tu dis non, c'est bon, on n'avait pas besoin de ça en fait. Vraiment le jeu sans ça, il est très bien quoi. Il peut nous pousser à l'exploration. En fait, il y a des choses déjà qui nous intriguent. Les quêtes secondaires, comme dit, il y en a des vraiment intéressantes que j'ai faites par plaisir. Il n'y avait pas besoin de me balader pour nettoyer des trucs ou juste tuer des ennemis qui en plus sont les mêmes un petit peu tout le long du jeu. Ça c'est aussi un petit peu. Il n'y a pas un énorme bestiaire. Et justement, tu le dis, ces histoires de quêtes annexes, ça permet peut-être d'enchaîner sur ce qu'on voulait peut-être mettre en avant encore sur ce jeu-là. Le gameplay, il est très solide, ça je pense qu'on l'a compris, ça fonctionne bien, mais il y a des petits trucs qui viennent un peu parasiter l'expérience. Par contre, vraiment, ce qui nous, tous les trois, on en a parlé assez rapidement, on s'est rendu compte que ce qui nous plaisait, bah, c'est les lieux, c'est la visite, et le fait que cette maison qu'on va pouvoir découvrir et visiter, en fait, elle est tellement remplie d'informations de ce qu'ils appellent le deep lore de l'univers de Control, que ça devient un peu la star en fait du jeu, plus que Jesse. Ouais, tout à fait. Bah déjà, il y a cette construction un petit peu en Metroid-like, comme on l'avait dit, hein. Ils ont laissé de côté un peu le jeu linéaire pour faire un jeu, un espèce de huis clos, une espèce, pardon, je m'excuse aux personnes, m'excuse aux familles, une espèce de Metroid-like dans lequel on va pouvoir faire des allers-retours et dans lequel aussi il va avoir des quêtes annexes, des zones qui ne sont pas obligatoires sur le chemin critique pour pouvoir aller au bout du jeu. Et c'est vrai que tout ce petit système de récompenses et d'XP, c'était pas nécessaire pour ces raisons-là. Parce que justement, les zones, elles sont assez fascinantes, je trouve, à explorer en tant que telles. Surtout que à chaque fois qu'on va dans un endroit, il y a un petit quelque chose qui vient titiller notre curiosité. Est-ce que c'est un labo qui a l'air un peu particulier? Moi, je me souviens aussi être tombé sur une salle d'enregistrement, vous savez, comme un studio d'enregistrement de musique, comme ça. Alors, peut-être que je suis pas allé au bout de la quête qu'il y avait avec, mais j'ai pas pu y faire grand-chose. Mais il y a aussi toutes ces rencontres avec les autres objets de pouvoir. T'arrives dans un endroit et tu vois un truc rose comme ça qui est allumé. Et tout de suite, il y a des couleurs, il y a des choses qui se passent et qui nous intriguent et qui nous disent « Ok, j'ai envie de voir ce qui se passe là-bas. » Parce que c'est bizarre et j'ai envie de trouver ce qu'il y a derrière. Les horloges. Oui, ah oui, putain, incroyable ça, excellent, ouais, ce passage où il y a plein de petites horloges comme ça à l'ancienne, mais qui sont multipliées comme ça et qui complètement ont envahi les lieux. Ah ça, c'était vraiment une bonne idée, je trouve, d'habillage justement de zone et de donner une identité à un moment de jeu et surtout d'éveiller ta curiosité parce que je me dis, ok, là, il y a vraiment quelque chose qui est pas normal, qui est en train de se passer et j'ai envie de comprendre. Et quand tu commences à creuser l'univers de jeu, tu te dis, ok, bah c'est lié à un objet de pouvoir, a priori c'est une entité comme ça qui a foutu un peu le bordel, j'ai envie de voir déjà c'est quoi cette entité, à quoi elle correspond, c'est quoi son pouvoir, pourquoi elle fait ça, et puis résoudre le puzzle ou le combat pour la concealed, la sceller en fait, la receller au sein du bureau. Et pour rester sur le côté terre à terre, puisqu'on parlait de Metroid-like, de level design et tout, on peut parler de la map qui est pas très clair. Alors on pourrait se dire éventuellement, si on voulait peut-être faire preuve de mauvaise foi, que c'est une intention du studio, je pense pas. La map est quand même vraiment pas très claire. Parfois il y a des chemins qui se superposent et t'as du mal à savoir lequel est au-dessus, lequel est en-dessous. Vraiment, tu regardes la map et tu dis je ne sais pas si je vais passer au-dessus ou en-dessous sur ce côté-là, je sais pas si c'est ce couloir-là qui me mène où je veux aller en fait. Ce qui est bon, ce qui réduit le but d'une carte à néant du coup, c'est dommage. Mais dans le jeu, ce qui marche plutôt bien, c'est toute la signalétique, puisque il y a ce côté les bureaux ordonnés, on va revenir en détail là-dessus, mais tout est indiqué en fait. Déjà sur la carte, il y a le nom de chaque salle qui est indiqué, et ensuite il y aura les panneaux qui nous diront où est le département des communications, département chance. En plus, c'est marrant de voir noms, à quel point c'est institutionnalisé, tu vois, c'est des concepts complètement, enfin des concepts très bizarres. Donc il y a le département des chances, comme je dis, ou des statistiques et probabilités de chance, je sais plus exactement comment c'est dit. Ouais, il y a un truc où ils font des expériences même avec des trèfles à quatre feuilles, tu sais, réussi à les créer eux-mêmes et du coup ils peuvent les utiliser pour avoir plus de chance. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de départements comme ça qui sont, comme tu dis, très institutionnalisés, alors que c'est des trucs complètement pétés, genre la chance quoi. Donc c'est vrai que ça donne aussi beaucoup d'identité à ce lieu. Et au fur et à mesure qu'on explore, on comprend en fait le problème avec cet endroit, c'est-à-dire ok, c'est des bureaux, mais en fait tout ce qu'ils gèrent, c'est des trucs sur lesquels on ne peut pas avoir de pouvoir, ou normalement on ne devrait pas en avoir. Et du coup, c'est le moment de lâcher le mot que vous avez peut-être découvert comme nous, comme beaucoup de gens, le brutalisme. Qui est donc un courant architectural qui anime tout le jeu. Brut, là, ça vient de béton brut. C'est un courant architectural, alors plutôt années 50-70, hein, c'est là qui était plutôt populaire. On va servir du béton pour faire de grands bâtiments, mais très, très lisses et très, avec des formes géométriques très nettes. C'est vraiment pas de fioritures, pas de décoration. Non, c'est souvent réservé à des bâtiments aussi. comment dire, des bâtiments publics, hein, des infrastructures, ouais, c'est vraiment le terme. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, la narrative designeuse de Control qui vient de Washington ou Chicago, je sais plus. Washington, je crois. Washington, ouais. Disait que c'est assez drôle parce que justement, un des bureaux de la police ou du FBI dans la ville, c'est justement un bâtiment qui est issu de ce courant-là. Et ça permet en fait de souligner quelque part le côté justement gouvernemental, le côté vraiment institutionnel du bureau fédéral de contrôle. Parce qu'il y a beaucoup de renvois, en fait, hein, on en reparlera juste après, dans les thématiques entre ça et l'architecture. Et ça permet en fait ce côté très géométrique de tout de suite attirer notre regard dès qu'on rentre dans un lieu. Puisque va pas y avoir effectivement de fioritures, il y a très peu de choses. Les murs, souvent, bah, c'est le béton direct qu'on voit ou c'est de la pierre qui est taillée directement dans la masse. Et ça permet, avec toutes ces formes géométriques, de parfaitement attirer notre regard. Et quand on arrive dans un lieu qui est foutu, qui est complètement foutraque à cause justement du vice et qu'on le voit se remettre normalement, ça permet petit à petit, comme l'objectif du Metroid-like, c'est un peu ça, de se créer sa carte mentale et de bien s'approprier les lieux au fur et à mesure qu'on les découvre. Et là, le jeu se le réapproprie et fait quand même des esthétiques très particulières, quand même, avec beaucoup de formes géométriques, mais aussi avec le vice qui vient perturber un peu tout ça. On a des cubes qui poussent un peu n'importe comment. Et là où c'est super dangereux, c'est que le brutalisme va vraiment donner naissance à des idées, à des émotions contradictoires qu'ils vont réussir à créer, puisqu'on le disait, on est dans le fédéral bureau de contrôle, c'est très institutionnalisé, il y a une hiérarchie assez nette, assez claire, mais quand on se renseigne un petit peu plus sur l'organisation, bon, on voit que c'est très bizarre, c'est même le bordel. Ils enquêtent sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Il y a des départements entiers qui sont fermés, des gens qui souffrent et qui meurent, tu vois, parce qu'ils contrôlent pas du tout. Ils savent qu'il y a des plans astro, mais ils ont vraiment pas les clés de tous ces univers qu'ils essaient de décrypter. Et comme on l'a dit, on arrive, bon, le directeur il se suicide, c'est déjà assez particulier. Et le brutalisme va donner un petit peu du corps en fait à cette rigidité. Va vraiment donner du volume à ça. On arrive, les pièces sont bien droites, comme on l'a dit, c'est des formes géométriques bien nettes, donc ça colle bien avec tout ce côté administratif, hiérarchique, avec les tableaux, les tables. Et nous, on arrive déjà avec notre pouvoir, on peut tout arracher, on peut arracher des morceaux de béton, des colonnes, des tables, des chaises, donc on peut foutre un vrai bordel, et c'est hyper plaisant, en fait, de salir ces endroits qui sont hyper aseptisés. Et du coup, oui, ça crée tous ces trucs-là, et c'est ça qui est super. Ce que je trouve vachement intéressant, c'est que ouais, t'as beaucoup de paradoxes et de contradictions dans ces trucs-là, où tu vas avoir donc cette architecture très carrée, etc., que tu vas t'amuser à tout détruire, parce qu'en plus de ça, là où ils ont été assez malins sur la partie gameplay, c'est que si tu ne vises pas un objet, tu vas quand même aspirer un morceau de béton qui passait par là. Il y a tout un tas de conférences sur la GDC, sur la destruction procédurale de leur niveau, qui est assez intéressant si ça vous branche d'en apprendre plus là-dessus. Et donc, tu as cette opposition entre le côté très maîtrisé de l'architecture, hein, qui paraît être un truc vraiment réfléchi, etc., et le fait que la réalité du Bureau fédéral de contrôle, c'est qu'ils n'en ont aucun. En fait, ils n'ont vraiment aucun contrôle sur ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est un peu ça, en fait, un des propos thématiques du jeu, sur cette idée d'avoir le contrôle et d'illusion d'avoir un contrôle et de perte de contrôle. Donc il y a beaucoup de renvois comme ça en permanence, à la fois dans les décors et à la fois dans ce qu'on découvre nous dans le jeu, qui renvoie constamment à cette histoire-là, et ça donne, comme tu disais, corps en fait à cette histoire et à cet univers, et on se l'approprie, j'ai trouvé vraiment extrêmement vite. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ces fameuses... Parfois, on sort, justement, on a l'impression de sortir de la maison et on va être... qui est séparé, qu'il y a d'autres départements qui sont séparés par des espèces de grands ponts, comme ça, en béton. Et il y a des maxi-portes de béton, mais énormissimes. Hein. Et parfois, il y en a plusieurs, les unes à la autre. Donc, on a vraiment ce truc très, très massif. Hein. Et on a vraiment l'impression que c'est un pouvoir... C'est, tu sais, les limites de la capacité humaine. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qu'on a essayé d'enfermer. On a mis, mon gars, mais on a mis 20 mètres de béton pour essayer de le protéger, tu vois, et en fait ça marche même ça, pas ça parce fait que très, ça tu sais, coffre-fort autour, le sarcophage, ouais, autour de Tchernobyl, oui, ou même la manière qu'on a de ne pas se débarrasser des déchets radioactifs, parce que justement, ouais, en fait notre solution c'est, bah, on va y couler 80 mètres de béton autour et puis ça va marcher. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez drôle, parce qu'ils arrivent comme ça, ouais, à le suggérer très facilement, juste avec leur réflexion sur l'architecture. Et c'est un jeu qui, d'un point de vue thématique, transmet des tonnes de choses en permanence comme ça, et qui balance quand même pas mal de petites piques à cette idée d'institution. On peut peut-être le glisser maintenant, parce que c'est vrai que dans l'histoire des États-Unis, alors c'est pas un studio américain, hein, Remedy, ouais, mais ouais, dans l'histoire des États-Unis, depuis la création donc, du FBI, de J. Edgar Hoover, avec la guerre froide, etc., les Américains, ils ont une espèce de relation avec toutes leurs agences gouvernementales, que ce soit la CIA, le FBI, la NSA, qui est toujours un petit peu étrange. C'est devenu mythifié. Au fur et à mesure. Comment ? C'est un mythe, quoi. C'est mythifié, c'est un mythe américain. Aujourd'hui, même nous, il nous est renvoyé via plein d'œuvres de pop culture, hein. On parlait d'X-Files, on parlait de Twin Peaks, enfin, voilà, il y en a plein des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est devenu un mythe, et ouais, Control se réapproprie vraiment tout ce truc-là, alors qu'ils sont pas américains, et tu sens justement qu'ils portent un regard qui est à la fois fasciné, parce que c'est une imagerie qui est forcément fascinante, les complots, Roswell, tous ces trucs, enfin, le gouvernement nous ment, nous cache des choses, il y a des villes qui sont complètement rayées de la carte, et genre, il s'est rien passé. Non, non, rien du tout, il y avait pas de ville ici. Qu'est-ce que vous racontez? Et toute cette imagerie aussi des papiers où, tu sais, il y a des bandes noires comme ça, rédactites, tu vois, genre, on n'a pas toutes les infos. Bref, ils représentent toute cette imagerie qui est fascinante, parce que c'est le truc du complot, de se dire, on nous ment, il y a des histoires, on sait pas quelle est la réalité. Mais à côté de ça, comme tu dis, il la critique, il la tourne un petit peu en dérision, en exagérant, justement, le paranormal, parce que, bah, c'est un bordel sans nom, contrôle, il y a des dimensions, il y a des entités qui sont planquées dans des frigos que tu vas devoir combattre. Enfin, bref, c'est assez fou. Et je trouve qu'ils arrivent à trouver un équilibre qui est vraiment intéressant et qui lie, voilà, la fascination et cette espèce encore d'humour un peu noir qu'on peut retrouver, je trouve, dans les pays nordiques, un peu comme Inside le faisait, par exemple, sur l'utilisation de la mort. Bref, ils ont ce regard un petit peu qui est très chouette, je trouve. Et l'humour, c'est un truc qui se retrouve quasiment dans tout le jeu, parce qu'ils vont glisser des tonnes de petites références. Ouais. Il y a des easter eggs dans tous les sens, hein, on l'a dit, des acteurs d'Alan Wake qui se retrouvent dans Control, enfin, il y a plein de trucs, la musique qui est faite donc par des gens qui étaient déjà là à l'époque, et il y a surtout ce personnage donc du professeur Darling qui est là un petit peu pour nous guider tout au long du jeu, et qui va, parce que c'est grâce à lui qu'on va découvrir l'évolution des connaissances du studio, et qui joue parfaitement le rôle du scientifique, tu vois, complètement illuminé, qui a bien conscience qu'il ne comprend absolument rien à ce qu'il est en train de faire, mais qui trouve ça génial, quoi. Tu vois, quand il s'excite à dire, on a envoyé un meugle à travers la porte et on a tué quelqu'un grâce à ça, tu vois. Enfin, il faut faire attention, parce qu'avec les stylos, maintenant qu'on peut les envoyer, ça peut devenir des projectiles mortels. Il y a toutes des blagues autour de ce personnage-là, qui est vraiment incroyable, avec des petits films, tu sais, genre Public Service, ouais, Announcement, qui sont vraiment filmés d'une certaine manière pour justement souligner ce côté un peu dérision. Et il y a évidemment ce passage incroyable où on le découvre, qui s'est fait son petit trip, où il se fait son clip, où il se met à chanter, il y a des moments où tu sens que Remedy, ils se sont complètement lâchés, en fait, avec ce jeu, parce qu'ils en ont profité pour s'amuser, pour balancer des trucs qui les font marrer, et ils se sont rendus compte que ça pourrait être drôle pour nous aussi. Et je trouve que ce délire de FMV, de faire des petits films comme ça à l'intérieur, je trouve que ça marche d'autant plus que il y a ces espèces de petites combinaisons un peu cheap. En fait, tu sais, ils ont des vieux costumes et il y a un truc qui, tu sais, le professeur, il a construit un truc à se mettre sur le corps, une espèce de boîtier comme ça pour te protéger justement des ondes. Et tu sais, c'est une espèce de vieux boîtier, mais tu sais, c'est un truc en plastoc. Ouais. On dirait une espèce de vieux truc, studio, genre une salopette, tu sais, que tu es obligé de te mettre. Ouais. Et en fait, je trouve que comme c'est filmé, comme c'est pas modélisé dans le jeu il est magnifique, mais là t'as des espèces de trucs complètement cheap, et en fait je trouve que ça te donne un supplément de dérision sur ce qu'ils avaient envie de partager sur leur univers, que voilà, ils ont aucun contrôle, parce que ouais, c'est un boîtier en plastique, ça limite la résonance, c'est nickel mon gars, enfin, c'est comme les gens qui se mettent, enfin, je ne veux pas moquer des gens qui, on sait jamais, la 5G, mais bon, tu sais, qui se mettent des trucs en aluminium sur la tête pour se protéger, c'est un petit peu quand même ce niveau-là. Et je trouve ça tellement drôle dans le jeu, et le fait qu'il l'assume et qu'il te le balance à travers la tronche, je trouve que c'est un jeu qui respire le plaisir comme ça de s'amuser. Tous les personnages que tu crois, tu vois, ils emportent, parce que c'est ça qui les empêche d'être contrôlés par Lewis, et ils font comme si de rien n'était. C'est-à-dire que, tu vois, ils sont là, oui, c'est tout à fait normal, je me balade avec mon petit entonnoir sur la tête, et maintenant je suis résistant, Lewis. Tu croises vraiment comme ça plein de personnages au fur et à mesure. Moi, c'est vrai que je me souviens surtout de Darling, même si finalement on le croise pas, on fait que le voir à travers les vidéos, ouais. Mais il y a d'autres personnages comme ça qui sont marquants. Moi, je me souviens de l'espèce de gardien ultra désagréable du Vault. Tu sais, quand tu tu découvres l'espèce de coffre-fort où il garde tous les objets altérés, t'as un type avec une coiffure improbable. Tu sais, il lui manque tous ses cheveux, donc il fait ramener les cheveux d'un côté par-dessus pour cacher sa calvitie. Il est super désagréable, ce mec. J'ai envie de lui envoyer un meuble Ikea dans la gueule à chaque fois que je le croise. Et t'as comme ça des personnages assez hauts en couleur qui représentent un petit peu, tu sais, toutes ces facettes de ces entreprises, enfin de ces institutions plutôt gouvernementales. Et moi, c'est un jeu qui est très drôle. C'est ça qui est rigolo, que c'est un jeu qui se prend pas forcément tant au sérieux que ça. Et dès que tu grattes un tout petit peu sur la surface, tu te rends compte qu'il s'amuse beaucoup. Je pense que évidemment le moment le plus mémorable du jeu pour beaucoup de gens, c'est le fameux, c'est le H-Maze. C'est quoi en français déjà le labyrinthe du cendrier, ouais. Et qui veut nous expliquer ça? Est-ce que toi, Hugo, tu veux nous partager ton expérience? Alors, oui, moi je trouve que c'est un passage qui est super intéressant. Déjà, la première chose, c'est qu'il le foreshadow, c'est-à-dire qu'à un moment, tu peux tomber sur ce fameux labyrinthe du cendrier. Donc il y a des motifs qui rappellent énormément l'esthétique que pouvait avoir Kubrick dans l'hôtel de Shining. Shining. Ouais. Merci. Et on se balade dans cette espèce de labyrinthe, donc on voit qu'il y a des portes un peu qui s'ouvrent comme ça dans les murs, et on se dit, ok, il y a peut-être un puzzle à résoudre, il y a peut-être quelque chose à faire. Moi, ça m'a rappelé la forêt Kukiri, je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc avec oui, le son, bah, je sais pas quoi, bref, ouais. Un truc à résoudre. Alors que pas du tout, tu ne peux rien faire, donc tu te barres. Et j'avais vu le directeur là du jeu, le game director, donc Michael Karusinen, qui expliquait que justement pour eux c'était très intentionnel de te montrer ce truc-là, de dire voilà, tu comprends que tu peux rien faire pour l'instant, mais quand tu sauras, quand t'auras l'objet pour y retourner, tu comprendras. Et donc à la fin du jeu, on va trouver le fameux casque de Antti, donc le concierge, qui va te diffuser donc la fameuse musique Take Control comme ça. Et en fait, en mettant ce casque, tu vas pouvoir enfin traverser cette espèce de labyrinthe qui est, il montre aussi d'ailleurs dans la vidéo que j'ai regardé la structure du labyrinthe qui est pas du tout labyrinthique, hein, c'est un truc assez linéaire avec juste des gros volumes, mais en fait ils ont mis plein d'artifices, des murs qui se dérobent, plein de portes qui apparaissent, des impressions, des illusions d'infinité comme ça. Et en fait, c'est une espèce de séquence donc musicale et action et exploration, puisque tu marches sur le plafond, tu reviens sur le sol, tu pars dans tous les sens. Et c'est un passage qui est vraiment génial et qui est à la fin du jeu. Et je trouve que justement, vraiment à la fin du jeu, t'as les séquences avec Darling là qui pète ses câbles. T'as les séquences aussi avec les petites marionnettes là, les Trestle Kids aussi que t'as retrouvé tout au long du jeu et qui sont bien creepy, qui sont particulières. Tu commences à comprendre les délires sur les objets de pouvoir. Tu vois que s'il y a un petit sextoy, tu sais, en forme de canari. Tu vois que il y a ce fameux frigo qu'il faut constamment regarder. Sinon ça fout le bordel. Enfin, c'est génial cette histoire là. Il y a toutes ces touches d'humour qui se mêlent les unes à côté des autres, et je trouve que voilà le H-Tremaze. Enfin moi je me souviens, j'avais ma meuf qui est passée derrière moi. Fait, mais à quoi tu joues? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette musique, tu vois? Et je me suis dit, en fait, je lui ai dit, c'est les devs, ils se sont fait un gros délire, et je trouve que c'est hyper communicatif, tu passes un bon moment avec eux, et je trouve que toute la fin du jeu, comme ça, je trouve qu'il prend toute son ampleur à la fin, et c'est trop bien. Il y a un moment comme ça que tu pourrais retrouver dans Alan Wake, où à un moment, ils vont sur une scène de concert de métal, et faut profiter un peu de toute la pyrotechnie pour justement éclairer autour de nous et combattre les ombres. Et il y a un moment, un putain de dragon qui en bois, tu vois, ou en plastique, ou je sais pas trop quoi, qui crache du feu. Et tu ramasses des maxi lampes aussi de techniciens, je sais pas trop. Enfin, pareil, c'était un moment où clairement tu te faisais plaisir parce que t'avais évidemment la musique qui se jouait en fond. Et la musique donc était déjà faite par le même groupe, c'est-à-dire que Poet of the Fall, qui est un groupe suédois, qui prend le nom The Old God of Narsgard, Asgard, qui est le nom du groupe de la chanson Take Control, et qui était déjà là du coup en fait des Alan Wake. Donc c'est en fait, ce que je trouve assez rigolo, c'est que quand on s'est penché comme ça sur la partie contexte et création, Remedy, t'as le côté un peu artisanal du truc, où ils sont là depuis longtemps, donc tu sais, comme ils connaissent tout le monde dans leur ville, tu te dis, le facteur et le boulanger, ils vont faire un caméo à un moment donné. D'ailleurs, Sam Lake était un caméo dans Death Stranding, entend la voix de Hideo Kojima dans Control. Il y a un moment où tu peux choper un audiologue et c'est Kojima qui parle. Je savais pas du tout. C'est un truc assez caché, mais j'ai regardé toute la liste des secrets, parce qu'en fait, quand tu vas sur les wikis de Control et que tu tapes secrets, easter eggs, t'as une liste, parce qu'il y en a des quantités. Et un truc qu'on n'a pas dit sur l'influence de l'univers, parce qu'on a parlé de brutalisme, des choses comme ça, c'est qu'ils se sont inspirés donc, d'un style littéraire qui s'appelle le New Weird. On n'en a pas encore parlé. Et il y a ces fameuses, cette fameuse comment ça s'appelle, histoire collective, là, les fameux SCP. Alors, on vous renvoie à la vidéo de Halt 236 si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Mais en fait, ce qui est très très cool, j'ai trouvé avec Control, c'est qu'ils ont réussi avec cette histoire de bureau fédéral qui gère tous ces événements parallèles, c'est qu'ils ont pu y insuffler toutes les inspirations, toutes les idées qu'ils avaient. Ils se sont dit, c'est bon, ça va marcher. Ils ont créé une espèce de règle joker, comme tu disais, Max, toi, pendant la préparation, où peu importe ce qu'ils inventent, ça pourrait fonctionner, ça pourrait marcher dans Control. Mmh. Je reviens quand même une minute sur les influences, parce que je les trouve intéressantes sur la fondation SCP. Déjà, le fait de s'inspirer de ça, c'est une approche assez intéressante, puisque la Fondation SCP, c'est un site communautaire hein, où les gens peuvent soumettre des nouvelles et essayer de créer un univers plus ou moins cohérent. C'est un truc qui a 10 ans, il y a des milliers et des milliers de nouvelles dessus. Donc j'ai regardé donc, la fameuse vidéo de Halt pour pouvoir vous résumer tout ça en 2 secondes. Et en fait, c'est des documents rédigés donc un petit peu comme dans Control et comme les documents classifiés du FBI avec les fameuses ratures, enfin les passages noircis parce que c'est confidentiel, ou les passages entre crochets redacted, ils ont barré des moments entiers, et ça parle d'objets surnaturels. C'est exactement comme Control, hein, la fondation SCP, c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu, enfin Control est un petit peu calqué dessus. Ouais, c'est vraiment la référence. Ouais. Comme X-Files, sur X-Files c'est peut-être la référence aussi de SCP, mais c'est qu'il y a tout ce département des événements paranormaux qui vont enquêter sur des choses paranormales. Souvent c'est des objets ou des lieux, et leur objectif ça va être de repérer ces objets, voir ce qu'ils font, identifier leurs effets, les analyser, et ensuite les mettre de côté, protéger le grand public de ça, et faire en sorte évidemment que ça ne se sache pas trop dans le grand public. Et quand même, s'inspirer de ça, c'est quand même intéressant pour un jeu vidéo, je trouve. Tu vois, il n'y a pas cette approche d'œuvre classique, même si à côté, comme tu l'as dit, il y a ce courant littéraire du New Weird. Il cite notamment, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais celui qui a écrit la trilogie du Rempart Sud, dont le premier livre, Annihilation, a été adapté par Netflix. Donc la narrative lead, Anna McGill, elle rejette par contre le film. Elle dit, voilà, on s'est inspiré de Annihilation et de la trilogie. Elle a bien raison. Voilà, elle dit le film. Voilà, ça va, le film, j'ai bien aimé. Non, moi, j'ai pas... Bon, fin du game. Bienvenue. En tout cas, d'après ce que j'ai pu entendre des bouquins, tout n'a pas l'air d'être très facile à retranscrire. Mais en partie, parce que justement, le New Weird, qui donc... Alors, il s'oppose pas vraiment, il prolonge plutôt, on va dire, le Weird, qui est plutôt associé à... on a pu citer... mince, les tentacules, etc. J'ai un trou de mémoire. Ah, Lovecraft. Les tentacules. Le Japon. Voilà. Ou là, ce serait plutôt du weird. Le new weird, c'est plutôt prendre des environnements réalistes, ne pas faire une espèce de monde des rêves bien identifié par rapport à notre monde réaliste, mais insérer des éléments emprunté à la science-fiction, à la fantasy, un petit peu horrifique, souvent, dans notre univers réaliste, et en faire quelque chose qui fait un petit peu partie de notre monde, mine de rien. Parmi les auteurs, je crois qu'il y a China Mieville, dont on avait entendu parler, parce qu'il a écrit The City in the City, qui a inspiré Disco Elysium, par exemple. Moi, j'avais déjà entendu cet auteur pour ça. Mais donc, on voit toutes ces références qui sont assez... assez large, assez intéressante, et tout ça pour créer en fait ce sentiment d'étrange en fait, ou de prendre des objets un petit peu du quotidien, de les détourner, de créer un petit peu tout ça, c'est intéressant de se pencher là-dessus. Et ce que j'ai trouvé drôle finalement, c'est que tu te dis, en fait, ça nous a vraiment baigné cette culture-là de X-Files, de Fringe, tu vois, du caméléon, la quatrième dimension au-delà du réel. Enfin, je pourrais citer des œuvres comme ça. Eux, ils se sont basés beaucoup aussi, on l'a dit, sur le cinéma de Kubrick, que ça soit Shining, Eyes Wide Shut, Odyssey, enfin 2001, l'Odyssée de l'espace. Ils parlaient de Tarkovsky aussi, tu vois, avec Stalker. C'est vrai que Stalker, le film, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande, c'est vraiment complètement dans ce délire-là aussi. C'est long, faut le. Accrocher, mais c'est très... Voilà, c'est du cinéma d'auteur, donc quand on n'est pas habitué, les premières fois, ça picote. Et en fait, malgré le fait que ça ait comme ça infusé dans la culture américaine le délire avec le FBI, les fameux Men in Black, et pendant des années, c'est pas quelque chose qu'on trouve si souvent dans le jeu vidéo. Et ils arrivent avec ça, qui est finalement un postulat assez atypique, et qui fonctionne instantanément, parce que justement, avec le jeu vidéo, ça nous donne accès à ces fameux pouvoirs. Du coup, tu peux transcrire en fait ce côté très étrange avec du gameplay, et nous donner comme ça la maîtrise de ces trucs, ou via les lieux, puisqu'on va visiter des lieux avec des architectures impossibles, ce qu'on aurait plus de mal à faire, enfin c'est toujours possible dans le cinéma avec les effets spéciaux ou même dans les livres, mais là avec le jeu vidéo, tu vas vraiment les visiter toi-même, et j'ai trouvé que c'était super malin de leur part de donner comme ça naissance à tout un univers connecté grâce à ça. C'est intéressant de noter qu'ils ont aussi en ref, faut le citer, parce que là, voilà, quand on fait du contenu sur internet, on sait que si on cite pas certaines œuvres, des dizaines de personnes on se fait taper sur les doigts pour vous. Mais il y a le bouquin La Maison des Feuilles, et là où il est intéressant, c'est que c'est un bouquin qui a aussi une mise en page en fait très particulière, qui parfois va zoomer sur des pages, casser un peu ses lettres, etc. Et c'est marrant de se dire que oui, ils ont pris un bouquin qui essaie de changer un peu son médium et faire du jeu vidéo avec certaines choses qu'il a essayé de créer. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'eux, ils arrivent aussi à le faire avec vraiment des mécaniques de jeu et des codes du jeu vidéo. Déjà, il y a ce TPS qui est un petit peu transformé, hein, qui est upgradé avec tous ses pouvoirs. Mais moi, ce que j'ai adoré aussi dans Control, c'est que comme c'est un Metroidvania, enfin Metroid-like, attention sur la terminologie, mais quoi qu'il y ait un peu d'XP, donc ouais, c'est bon, ouais, ça ouais, passe, ouais, c'est un Metroidvania. C'est possible. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le Metroidvania, c'est le genre dans lequel tu dois t'approprier le territoire pour progresser. Vraiment, faire des lieux ton espace, c'est ça, la but de la progression dans un Metroidvania, c'est de s'approprier tout ça. Et en fait, eux, par leur bizarrerie, par certains petits codes comme ça, ils arrivent à toujours te laisser sur la tangente. Moi, j'aime beaucoup le fameux motel, là, qui sert de... l'hôtel casino, qui sert en fait de... Ocean View, je crois qu'il s'appelle l'hôtel, et qui sert en fait de lock. C'est une serrure en fait pour accéder à certains endroits beaucoup plus dangereux en fait du bureau de contrôle. Et à l'intérieur, tu dois passer. Donc tu dois tirer sur une petite lampe comme ça pour aller à l'intérieur. Tu dois résoudre un petit puzzle et ensuite tu vas atterrir à l'autre endroit. Et ce qui est intéressant, c'est que comme il nous casse la physicalité du chemin, parce que c'est ça dans le Metroidvania, c'est tu t'appropries vraiment les lieux, les espaces, les longueurs. Là, c'est cassé, tu crées une rupture. Et du coup, je trouve que, bah voilà, le bureau, même si c'est un Metroid-like, même si, bah, à la fin, c'est quand même un peu chez toi, c'est toi qui domines, il reste toujours des petits endroits que tu ne maîtrises pas. Et je trouve que c'est très important de garder ce sentiment, parce que si tu déconstruisais finalement, si tu enlevais le côté fantaisiste et bizarre de cet endroit, il tomberait comme un château de cartes. Et là, je trouve qu'ils arrivent bien à maintenir le truc justement grâce à tous ces éléments bizarres qui fait que t'es quand même pas chez toi et il faut bien faire gaffe parce qu'il y a des choses qui se passent sur lesquelles tu n'as pas vraiment le contrôle justement. Et ça pour moi c'est vraiment la réussite de l'utilisation de la structure mais aussi de la perversion qui est celle du New Weird, qui est de prendre des éléments classiques et de les pervertir, de leur donner un petit côté bizarre, et ça ils arrivent à le faire avec du jeu vidéo. Et alors moi quand j'ai recommencé le jeu, parce que je l'avais refait un peu plus tard parce qu'entre temps j'avais changé de machine donc je pouvais en profiter un peu mieux, je me suis rendu compte que j'étais passé par exemple à côté de tonnes de passages du jeu qui sont vraiment importants. Par exemple, pendant qu'il y a le Hiss, il y a également l'invasion là, des champignons, d'une entité champignon qui en fait a recouvert toute une partie de niveau. Il me semble que c'est dans la cafétéria où il y a un trou béant dans lequel on peut descendre, et à partir de là ça te débloque peut-être une heure ou deux heures de gameplay supplémentaire avec un niveau. Moi j'étais complètement passé à côté. C'est un passage en plus qui est assez difficile, mais c'est cool de se dire que pendant qu'il se passe des trucs, on voit que vraiment c'est en train de se casser la gueule leur truc de contrôle, et il y a tout le temps des incendies, tu sais, à arrêter quoi. En tant que directrice, t'es tout le temps obligé d'aller faire quelque chose. Et ça, j'ai trouvé ça super, parce que tu te dis, ben, en fait, je peux passer à côté de plein de contenus, et quand on le recommence, il y a des choses à faire à côté, et c'est finalement, effectivement, ces moments-là, on parlait tout à l'heure du frigo, donc c'est le fameux frigo, il faut que tu continues de le regarder en permanence, sinon tu meurs, et le frigo se met à faire n'importe quoi. Et donc, ben, comme il y a eu le Hiss, ils ont oublié qu'il y avait un agent qui était préposé au regardage de frigo qu'ils avaient oublié. Le pauvre, il est là, il veut aller pisser, il peut pas cligner des yeux, il est en train de mourir, et quand toi t'arrives, tu lui fais peur, tu sais, limite, il va se retourner. Et donc, bah voilà, comme toi, tu as ces pouvoirs-là avec Jessie, tu vas réussir à calmer le frigo et aller combattre une espèce de deuil géant, vers de terre. Enfin, et lui aussi, tu vois, c'est aussi une porte vers un autre chose, parce qu'il y a plusieurs quêtes avec cet ennemi-là. Enfin, moi, j'ai été vraiment bluffé par la richesse du truc. Dès que tu commences à gratter ou à explorer, tu te rends compte qu'il y a quelque chose à visiter, et il y a peut-être des trucs cachés qui pourraient donner lieu à une histoire complète, rien que ça, quoi. Ouais, il y a toutes ces petites nouvelles, tu vas combattre une ancre, tu vas te retrouver au milieu de mannequins, tu vas poursuivre un flamant rose, il y a un feu tricolore qui arrête le temps, et c'est ça qui va te permettre d'attacher, enfin bref. Il y a une vraie richesse dans toute cette maison, et c'est un huis clos qui est vraiment d'une densité assez incroyable. Et du coup, et je pense que c'était vraiment ça la conclusion qu'on avait sur le jeu, c'est que ils arrivent à concentrer toutes ces références et à les tenir ensemble grâce à des espèces de cohérence de leur univers, puisque bah comme on le disait, ça leur permet tout, et ça donne un jeu qui a une identité qui est vraiment différente et qui arrive à dépasser justement son statut de TPS. Bon, malgré tout, ça reste un TPS, ça reste classique dans l'exécution, mais il y a un univers qui est vraiment fascinant. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on retient quand on sort du jeu. Moi, je me suis perdu là dans des trous, dans des rabbit holes de références sur le New Weird, sur le brutalisme. À chaque fois que je m'intéresse à ce jeu, je pars dans des je tire comme ça des pelotes de références. Et j'aime beaucoup quand le jeu vidéo comme ça m'emmène justement sur d'autres terrains par des inspirations. Et c'est toujours cool de découvrir plein de pans de culture que tu connais pas. Et je trouve qu'il y a une vraie maturité dans leur approche, en fait, puisque avant c'était des jeux beaucoup plus linéaires. Je le disais à la noyée que j'aimais bien l'ambiance, mais c'était trop, voilà, le moment t'es dans la forêt, c'est le moment gameplay, le moment cinématique histoire, etc., etc. Là, on a une approche non linéaire, déjà du level design, où il va y avoir des quêtes annexes, il va y avoir plein d'audiologues, il va y avoir plein d'écrits. Cette approche Dark Soulsienne, comme vous le disiez, un petit peu du lore, où c'est laissé... Et tu vas le saisir ou pas, tu vas décider de t'impliquer ou pas dans cet univers. Le fait que la lead narrative designer soit autant mise en avant aussi, c'est pas un hasard, c'est pas... Justement, Sam Lake, tu vois, il était très présenté en tant qu'auteur, mais dans le sens, vraiment, il va écrire un script, un univers, des dialogues, etc. Et justement, il avait peut-être cette approche un peu trop linéaire de A à Z, et le fait qu'il soit entouré, qu'il soit pas game director, déjà, sur contrôle, mais qu'il soit entouré de narrative designer, d'un game director, etc., ça a peut-être permis à Control vraiment de pouvoir mettre toutes ces références-là, que ce soit vraiment en cohérence avec la progression vraiment du joueur, toutes ces émotions un petit peu qu'on va pouvoir ressentir tout au long du jeu, mais de façon non linéaire. Et donc, même si le jeu n'a pas forcément eu un succès commercial incroyable, en tout cas pour le moment, on lui souhaite, je pense, quand même d'avoir une longue traîne qui fonctionne bien. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, avec ce jeu-là, Remedy, ils sont arrivés à leur objectif, qui est de donner naissance à leur univers connecté. C'est vraiment ça, leur objectif. Alors, c'est rigolo, parce que c'est quand même assez ambitieux de leur part de dire « on va faire comme Marvel, et on va créer comme ça des tonnes de films et de tonnes de jeux, plutôt, qui vont se répondre l'un l'autre. » Mais je trouve que c'est une idée qui est super intéressante, parce que bah, je sais que vous, typiquement chez Game Next Door, vous parlez, voyez, de lignes éditoriales et de choses comme ça, et pour un studio se dire bah, on va créer une licence qui va donner naissance à plein d'autres jeux qui se dérouleront tous dans le même univers, c'est assez audacieux, plutôt que de dire bah, on va faire Control 1, Control 2, Control 3, Control Modern Warfare, etc. Et en plus c'est rétroactif, parce que hop, on peut ramener tout ce qu'on a fait avant, hop, ça marche aussi dedans, il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que c'est assez malin de comme ça, d'étendre leur œuvre, en fait. Vraiment, ils ont, voilà, c'est Remedy, c'est un studio qui a une espèce d'œuvre qui a été marqué par ces différents auteurs et qui est enrichi par toutes les personnes qui bossent à l'intérieur. Et du coup, bah, ouais, ça donne un studio qui a une vraie identité maintenant et qui, du coup, je pense que c'est peut-être ça qui a convaincu Epic Games de les intégrer à l'intérieur de la boîte, hein, puisque avec donc Gen Design, qui est le studio de Fumito Ueda, et Playdead, les équipes derrière Limbo et Inside, bah, ils ont rejoint récemment Epic Games. Et leur prochain jeu sera entièrement financé par cette entité, et ça leur donne quand même, en termes de reins solides, tu trouves difficilement mieux que Epic Games. C'est vraiment un truc assez incroyable, parce qu'on en parle assez souvent des relations avec les éditeurs. Hein. On le disait typiquement, Max Payne, bah, c'est une licence qui leur appartenait pas. C'est encore aujourd'hui une licence qui appartient à Rockstar. Là, Epic, en fait, ils ont vraiment pris une posture depuis qu'ils ont beaucoup d'argent avec Fortnite et qu'ils ont lancé l'Epic Game Store de « on est pro-développeur ». Et ils essayent de lier les paroles aux actes. C'est pas toujours vrai. Mais là, ce système de deal qu'ils ont avec quelques studios, il est assez bluffant, parce qu'en fait, donc, ils financent l'intégralité des jeux, peu importe le coût. Enfin, bon, j'imagine que c'est pas peu importe le coût, mais si t'arrives avec une idée qui dit ça coûte 50 millions de dollars, ils vont te dire ok, attends, on va attendre 30 secondes. Fortnite, hop, c'est bon, 50 millions de dollars, c'est pour toi. Ils leur donnent, une fois que le jeu il a dépassé, donc qu'il a remboursé les frais initiaux, ils partagent 50-50 avec le studio, au lieu d'un 60-40 ou 70-30 qui était plutôt classique avec les relations d'éditeurs historiques, en tout cas les éditeurs qui financent. Et surtout, le studio est complètement libre en termes de création, et il garde la propriété de la licence, hein, la fameuse propriété intellectuelle du titre, de l'univers, etc. Donc c'est vrai que pour des studios comme Remedy, Remedy qui ont envie comme ça de créer désormais un nouvel univers, bah, ils ont l'assurance d'avoir un financement, d'avoir une plateforme qui touche des millions de gens et d'avoir du coup un apport médiatique important. Et en plus, ils ont la sécurité d'un point de vue créatif. Donc c'est vrai que c'est quand même des deals. Enfin, le jour où ils ont annoncé ça, moi j'étais en train d'halluciner en me disant putain, mais c'est cadeau quoi. C'est genre, t'arrives, t'as Epic Games, donc c'est quand même aujourd'hui une entité qui a un fric absolument limite illimité. C'est de l'argent gratuit et en plus de ça, ils te laissent gérer le truc toi-même quoi. C'est super pour eux. Non, mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus glorifier Epic, hein, parce qu'il y a aussi des problèmes dans la boîte. Oui, bien sûr, il n'y a pas de truc génial. On peut parler du crunch sur Fortnite, des choses comme ça. Mais par contre, c'est vrai que moi, je suis super content pour Remedy qu'il soit secure comme ça. Je suis aussi encore un peu plus content pour Playdead, parce que c'est mes petits chouchous. Mais c'est vrai que... Et puis, Gen Design aussi, bah, c'est vrai que j'aime beaucoup Fumito Edo. Bref, c'est trois studios dont j'apprécie vraiment le travail, qui font quelque chose dans le jeu vidéo que j'aime beaucoup, chacun à leur manière. Et je trouve ça trop cool, en fait, de me dire que, bah voilà, ces studios, je sais que je vais entendre parler d'eux, là, dans les années à venir, qui vont pouvoir donner libre cours à leur créativité. Et ouais, quand on sent la confiance, en fait, qu'il y a dans Control, cette espèce de dire, bah voilà, on se fait plaisir, on met toutes nos refs, on laisse vraiment les narrative designers se faire plaisir, infuser vraiment tout leur bagage culturel comme ça dans le jeu. On va piocher dans l'architecture, dans le new world, enfin bref, on se fait plaisir. Et ouais, ça me donne vraiment envie pour la suite, peu importe ce qu'ils font, parce qu'on en discutait là juste avant d'enregistrer l'épisode, on se demandait est-ce qu'il y aura Control 2, est-ce que ce sera Alan Wake 2, on se demande un petit peu, on sait pas trop où ils vont aller. Mais ouais, très impatient de voir ce qu'ils feront par la suite, si c'est encore dans le calibre de ce qu'a proposé Control. On peut imaginer qu'ils vont avoir, comme ils auront peut-être un peu plus de moyens, vouloir peut-être revoir un tout petit peu leurs ambitions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont... Ouais, ce serait trop bien, un open world. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup, avec un plein de RPG Royale, comme ça. Un Battle Royale. Je veux dire, ah voilà aussi. Tu prends 100 objets, tout le monde a un canard en plastique et le dernier qui a un canard, il devient un flamant rose. Enfin, tu vois, je veux dire, il faut qu'on invente des histoires. Non, mais je pense qu'ils ont cette sécurité aujourd'hui de se dire, bah, ils peuvent le faire, ils vont pouvoir donner libre cours à leur liberté créatrice. Donc ça, c'est vrai que c'est super pour eux. C'est ce qu'on peut souhaiter de mieux, tu vois, au studio qui aient la stabilité comme ça. Et ils ont déjà annoncé, hein, puisque du coup, ils l'ont annoncé cet été, que ça y est, ils sont en train de bosser sur un nouveau jeu. Donc aucun doute là-dessus. D'ici un an ou deux ans, je pense qu'on devrait avoir des nouvelles de Remedy avec du trailer d'annonce, etc. quoi. Et bah très bien, bah je crois qu'on a fait le tour. Voilà, on rejoint vraiment les critiques dans la praise de Control. Alors encore une fois, hein, c'est pas un jeu qui est parfait, il y a quand même beaucoup de classicisme dans son TPS, mais par son univers, c'est un jeu qui est tellement riche et dense qu'on en ressort vraiment avec plein de choses, et je pense que c'est déjà bien, c'est déjà un truc qu'on peut demander aux jeux vidéo. Moi j'aime bien quand on me donne ça. On vous remercie de nous avoir écoutés, on vous remercie également de nous soutenir sur notre Patreon. On rappelle qu'on va annoncer quelques petites choses, quelques petits changements comme ça pour la nouvelle année. Donc suivez-nous sur Twitter @fin du game jv et vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord. Je pense que s'il y a des annonces, on les fera principalement là-dessus. Si vous avez des petites questions, bah, peut-être qu'on y répondra, je ne sais pas. C'est peut-être des choses comme ça qui vont se passer. On remercie encore une nouvelle fois Sœur d'édition qui nous gâte avec plein de bouquins pour Noël et notamment donc celui qui va sortir sur Prince of Persia, journal de bord, c'est les carnets de développement de Jordan Mechner, donc sur toute l'histoire de ce jeu qui a vraiment marqué la fin des années 80 et qui est très important. Je parlais d'Inside justement tout à l'heure, de Playdead. Je pense que c'est des gens qui lui doivent beaucoup. Donc voilà, merci à eux de nous donner un coup de main. On se retrouve dans deux semaines pour le dernier épisode de 2020. Préparez vos casques à cornes, vos haches et vos dragons. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. En plus, on sera vraiment dans la bonne saison hivernale. Voilà, on va être parfait. C'est vraiment le bon épisode pour terminer l'année. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt. Ciao. Salut.